IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Podcast en public. Alors déjà, est-ce que par applaudissement, qui était soit présent à la première, soit à écouter le podcast qui s'est passé ici même au Bataclan? Bon, vous savez ce qu'on dit, normalement la deuxième fois ça devrait pas être pire. Encore que c'est Adrien et moi à la barre, donc... Et je change de micro. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40€ remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Mesdames et messieurs, nous allons évidemment faire un floodcast comme on avait prévu de le faire. Et pour ceci, comme à l'accoutumée, nous allons avoir quelques invités. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous allons accueillir Hakim Jemili. Et Patrick Beau. Comment ça va les gars? Bien, c'est très bien. Je suis très heureux que vous soyez là, puisque là, il y a une petite collection de couilles techniques. Je me suis dit, ça se trouve, il va y avoir un problème de taxi, un truc. Non, ça va? Ah, quelle histoire! Ah. Quelle histoire, bonsoir! Et c'est là où vous allez voir qu'Adrien est vraiment le Père Noël, parce qu'apparemment, on a retrouvé le câble qui Quoi? Permet de lancer les sons. Ah oui, Donc je vais refaire tout mon sketch du début, ça vous dérange pas? Ouais, bah, je vais remettre. Mais non, attends, quoi? Je vais me remettre dans le métro où j'étais en retard. Bien sûr. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup d'être venus. Je vous ai même pas dit le thème... D'être Velux, t'as dit. Comment? T'as dit Velux. Je rêve ou tu fais du mauvais esprit? Pas du tout. Ouais, le ça thème. Ça fait 5 ans qu'on fait le podcast ensemble. Le thème de l'émission, c'est en fait comment vous en êtes arrivé là. Je trouve ça toujours intéressant, mais évidemment en se concentrant uniquement sur les moments de lose pas ouf, parce que c'est quand même le prisme le plus sympa. Vu que tous les podcasts font des trucs un peu genre ouais, faut se battre et tout, nous on va vous dire qu'il faut des fois laisser tomber. C'est vraiment super important d'abandonner. Et pour y venir, par exemple, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, Patrick. Patrick, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je m'appelle Patrick Beau et je suis l'auteur de la chaîne Axolot sur laquelle on peut voir moult curiosités. J'aime d'une manière générale partager les curiosités, tu le sais, après, ah, oui. À travers différents supports, des livres, des vidéos, etc. Alors, outre le fait d'être le sosie de Thibaut InShape, tu... C'est vrai. Non, mais... Je ne sais même pas le dire. Patrick Beau InShape. Oh. Exactement. C'est un projet que j'ai pour très bientôt. Ouais. J'ai eu l'idée ce matin sous la douche de cette blague. Voilà, je suis transparent, désolé. Non, mais c'est vrai que tu pousses un petit peu au temple, ça on peut le dire quand même. Je pousse un petit peu à la salle, j'en fais pas des vidéos, cela dit, mais c'est un projet. C'est un projet. Ouais. Et j'ai un peu parcouru ta page Wikipédia, et effectivement, tu es vidéaste, tu écris des livres, des bandes dessinées, tu fais maintenant la veillée même, tu fais des choses oui. sur scène. Mais j'ai lu le terme folkloriste. Qu'est-ce que c'est, folkloriste? Alors écoute, moi je t'imagine vraiment avec des trolls et ouais. Des Allemands dans je suis pas responsable de ça. En fait, quand j'ai vu le terme, je me suis dit, tiens, intéressant. Et finalement, voilà. Mais non, je... Oh, oh. Mais parce que tu es le Justin Timberlake du podcast aussi. Ne t'excuse pas d'être ultra désirable, enfin. Ouais. Je t'en supplie. Nous, on l'a vu nu dans les loges, hein, quand même. C'est-à-dire que... Oui, parce qu'il faut savoir qu'Adrien pisse la porte ouverte. Non, bah. Presque. Oui, je ne pisse pas nu, déjà. Et c'est tout. Hakim, toi, comment tu te présenterais si tu étais face à des gens qui ne te connaissaient pas? Eh ben, bonsoir. moi, ça fait plaisir. C'est ça que je dirais. Moi, je fais des vidéos. On est sur scène aussi. Voilà. Bien sûr. Mais je folkloriste, on peut dire aussi. Ouais, un petit peu, de temps en temps, à mes heures perdues. Ouais, ça fait plaisir. Et acteur, quand même, le mec. Un petit peu. Ah, ouais, on fait l'affiche et tout. C'est cool. Je suis content d'être avec vous, en tout cas, les gars, franchement. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Je vais revenir au tout début de vos velléités artistiques. J'articulerai pendant le podcast, ne vous inquiétez pas. Vos velléités artistiques. Par exemple, Hakim, en me renseignant un petit peu, j'ai vu que tu avais grandi à Célestat, en Alsace. Oui. Et bah donc déjà bravo. Franchement bravo de ouf. Merci. Non mais ce que je trouve super intéressant, c'est que on peut dire que on s'ennuie un peu à Célestat. Est-ce que c'est manquer de respect à Célestat? Non, c'est les honorer parce que c'est déjà on en parle. Déjà on en parle, ça fait plaisir. La première fois. C'est la première fois. Ouais. Bah non, on se faisait chier de ouf. Hein. Ouais. C'était atroce. Et ouais, parce qu'en me renseignant, j'ai vu et j'ai trouvé ça fou que pour t'occuper, tu faisais de l'impro. Ouais. Ouais. J'ai grandi dans une cité à la campagne. Voilà, c'est-à-dire que. Moi, je peux pas dire aux gens, je galérais dans la rue, je galérais dans la street ou quoi. Moi, j'ai galéré dans la forêt, cousin, la vérité, dans la forêt. Voilà, chez moi, les Kaira, elles pêchaient, c'était des pêcheurs. Ma cité, elle s'appelait La Cité. Et je faisais de l'impro dans le local qui s'appelait le local, vous l'aurez. Et mon école s'appelait l'école aussi. Et j'ai commencé par. Mais c'était d'initiation, c'était pour pas qu'on se fasse chier, les gens s'occupaient un peu de nous, c'était cool. Mais c'était un peu nul aussi, hein, frère. T'as fait ça vers quel âge à peu près? J'ai fait ça, j'étais très jeune, hein, 10-11 ans. 10-11 ans. Ouais, à peu près. Et tu crois que ça a créé un petit truc en toi, des envies? Parce qu'après, t'as pas du tout fait ça, on va y revenir, mais est-ce qu'à ce moment-là, ça t'a donné. Tu fais, ah, j'aimerais bien quand même faire des trucs. Franchement, nos cours d'impro résidaient dans le fait de. Ils disaient, ah, vas-y, fais-moi un sucre. Donc je l'ai fait. J'ai jamais voulu devenir un sucre après ça, Mais non, ça m'a pas donné forcément envie de devenir humoriste ou acteur ou quoi que ce soit. Non, c'était juste comme ça, c'est pour pas qu'on se fasse chier à faire n'importe quoi. Bah, Patrick, toi, ta curiosité pour la curiosité, j'ai envie de dire, alors quoi? Est-ce que c'est né aussi tôt ou est-ce que c'est arrivé un petit peu plus tard, au lieu de 10-11 ans ou peut-être à l'adolescence? Je crois que j'ai toujours été curieux. À un an, t'étais curieux? Je pense que j'étais plus curieux que la moyenne. Hein, non, déjà, j'ai pas de preuves, hein, mais donc voilà, j'ai toujours aimé m'étonner. C'est ce que je dis en général dans les interviews, ça. Quand on me demande depuis quand je suis curieux. Et... Patrick, j'ai 16 orteils. Tu es étonné? J'aime bien. Je note ça et je le mettrai peut-être dans un ouvrage prochainement. Ouais. Essaye, s'il te plaît. Tu sais, on se crête dans une BD. C'est juste pour les gens Flaubert, d'ici. Ouais, c'est... Ça marche. Et oui, donc non, j'ai toujours été curieux, mais j'ai commencé à partager les trucs que je découvrais à la radio dans les années 2000 à peu près. Et voilà. Oui, c'était ça, c'était l'émission. Comment s'appelait l'émission? Exocet. L'émission s'appelait Exocet. Oh, je connais, bien sûr. Absolument. Ouais. Je connais ce type. Bon, vous êtes deux bons poteaux, je crois, des frérots. Des frérots. Ouais, ouais. Je sais pas, je m'avance peut-être. Ah, ça fait une bonne quinzaine d'années peut-être qu'on se connaît. Je compte plus. Voilà. Ouais. Quand on aime, on ne compte pas. Non. À l'époque, il était blogueur BD, il faisait que des BD à l'époque. Bah alors. Avant que le monde découvre son génie de comédien, de danseur, et de cyborg. D'improvisateur, de cyborg. Ouais. D'android. Pardon, quoi ? Non, pardon, ouais. C'est quoi cette histoire d'android là ? Et Patrick, justement, toi qui aimes l'étonnement, je sais que tu es venu dans ta besace, parce que Patrick vient toujours avec une besace. Toujours. Énorme. Tu es revenu avec plein de petites anecdotes, justement, de célébrités qui ont commencé avec des parcours un peu... j'oserais utiliser le terme insolite ? Un peu insolite. Un peu insolite. C'est dans son contrat, on est obligé d'utiliser le mot insolite au moins une fois. Absolument. C'est fait. Bon, on peut le faire sous la forme d'un quiz. Mais de la forme que d'accord. Tu veux, bon sang. Bon, parce que je sais qu'Adrien est très joueur là-dessus. Et il ne voudra pas que je donne d'indices en plus. Je le connais très non, bien. Non, mais peut-être sur scène, on va peut-être éviter de chercher pendant une demi-heure dans le silence total. Oui. Voilà, j'ai quelques personnalités qui ont eu des débuts assez surprenants dans le domaine artistique. Donc, par exemple, Hugh Jackman. Hugh Jackman a commencé par... Bah, il avait des griffes ? Non, il n'avait pas encore de griffes à l'époque. C'est un film, ça. C'était une activité artistique, mais qui était quand même assez éloignée de ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà, donc peut-être des suggestions. On est dans le domaine artistique. Hein. Peut-être de l'aquarelle ? On n'est absolument pas dans le domaine pictural. Et c'est galère d'ailleurs avec les griffes, les pinceaux. Ouais, on est plutôt dans le spectacle, pas il du tout dans le... Il a mis des pinceaux entre ses doigts, il a fait « Oh !» Bien vu. C'est vrai que ça aurait pu être ça, mais non. On est dans le spectacle. Coupera, il a fait de l'impro avec Hakim Olokar. Éventuellement, ça, je n'ai pas le parcours exact, mais on était dans le spectacle, dans la performance. Folkloriste. Non. C'était quoi? Ouais, vas-y, dis. Il était... Plus, je crois que j'ai la réponse. Donc. Il était clown pour des goûters d'enfants. Donc, imaginez que vous êtes un enfant et tout à coup, Hugh Jackman débarque. C'est terrifiant, il fait deux jongle. Mètres. Ben ouais, ben il était clown, c'est pour ça qu'il a changé d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'était ses débuts dans le domaine artistique. Le film ça a été inspiré de Hugh Jackman. Directement inspiré de la carrière de Hugh Jackman. Et surtout, il était clown dans les deux. C'était un livre avant, ok. Ouais. Ah ben ouais, mais t'as des purgicos. Je peux pas blairer les bouquins. Non, mais en plus, il était clown, ce qu'il n'a pas dit Patrick, d'hôpital, ce qui était horrible du coup, vraiment. Ouais. Et Adrien Brody était magicien pour goûter. Ça, je l'ai mis en bonus, celle-là. Mec, bon, pour moi, celle-là, t'as inventé. Mais bon. Non, c'est vrai, mais... T'as dû la réponse tout de suite, surtout, là. De côté, oui. Parce que c'était un bonus. C'est pas la vraie deuxième énigme. Donc, une qui est très compliquée à trouver, je pense que c'est impossible, c'est ouh. Victoria Beckham. Spice Girls, c'est connu, hein. Spice Girls. Ah, c'est très connu. On est au courant. Ouais. Ah, ouais. Pourtant, j'étais assez fier de moi. Ah ouais. Non. Gars, il y a eu des albums et tout. Ouais. Ça a bien marché. Bien avant les Spice Girls. Et c'est vraiment improbable. Donc là, on est déjà... Artistique ou pas ? C'est artistique. Oui. On est dans le domaine du jeu. Fusain ? Du fusain, peut-être ? Non, vraiment, oublie tout ce qui est pictural. On n'est pas du tout là-dedans. Non, on est... Parce que tu peux mettre le doigt et faire des dégradés, en fait. Peut-être qu'elle faisait ça. Vraiment pas. On est dans l'audiovisuel, cela dit. On est à la télé, même. Donc c'est un rôle qu'elle a joué à la télé quand elle était très jeune. Et c'était dans un documentaire de la BBC... Sur les jeux de rôle. Non, qui était sur l'éducation sexuelle. Tiens, non. T'es en train de donner la réponse. Oui, non, mais non. Non. Juste, je veux savoir. Non. Moi, je suis en mode, je cherche. Justement, là, plein d'indices, en fait, tu donnes la réponse. T'es en mode court. Sans indices, c'est impossible. Donc, je vous donne un faisceau d'indices, mais je vous donne pas la réponse. Donc, c'était un documentaire sur l'éducation sexuelle. Et Victoria Beckham, très jeune. Un spermatozoïde. Oui. Bravo. C'est chaud, mais c'est pas tout. Ah, c'est pas tout. Le même. Elle a joué un spermatozoïde sur des accessoires très précis. Un vélo. Tu l'as peut-être noté. Non, c'est pas un vélo. Skate. On se rapproche. Des rollers. On se rapproche vraiment beaucoup. On est sur la glisse. Un snowboard. Non. Des skis. Un bodet. Toutes les images sont bien. C'est un spermatozoïde qui fait des wheelies. Elle a joué un spermatozoïde sur des patins à glace. Oh, j'étais pas loin. Et donc il n'y a pas de vidéo qui a subsisté de cette période-là parce que je pense qu'elle a dû se débrouiller pour les faire effacer. Bon, bien sûr. Mais voilà, ça c'était ses débuts. Et j'en ai une petite dernière. Allez, j'en ai deux dernières. Bah ça, oui, ça va très vite. Donc j'en ai une avec Brad Pitt. Voilà, c'était pas vraiment, on n'était pas dans l'art, clairement là j'ai un peu tiré le truc, mais on était quand même dans l'interprétation. Donc Brad Pitt à ses débuts, alors même qu'il était en train de se lancer dans la comédie, ouais. Disons qu'il essayait l'enfer en tout cas. Oui, t'en as aucune idée, t'es en train d'improviser. Ouais. Parallèlement à ça, il fallait. Oh, ça germait dans sa tête quoi. Parallèlement à ça, il fallait qu'il se nourrisse. Oui, voilà. C'est lui-même qui l'a justifié comme ça, quand il a expliqué pourquoi il avait fait ça, il fallait qu'il se nourrisse avant de devenir riche. Et donc, il incarnait un personnage. En tête de gondole dans les supermarchés. Bah, on est très proche de ça. Quel type de personnage? Ronald McDonald. Non, c'est pas genre un personnage connu, c'est plutôt c'est une créature. Une poule? Stéphane McDonald. Personne ne connaît. Un poulet. Un poulet? Brad Pitt était dans un poulet pour une chaîne de fast-food à ses débuts. Et donc voilà, il était vraiment dans la rue, c'était Brad Pitt. Mais genre la semaine dernière, il a fait ça. Ouais. On galère de ouf. C'est ouais. Il a eu une petite période de vache maigre, il était en poulet. Et j'ai. Donc le dernier que j'ai, c'est le comédien, c'est John Hamm, qui est donc le personnage principal, Don Draper dans Mad Men. Bien sûr. Qui, donc lui aussi, il est... Oui. Non, mais oui. Vous avez vu ça fait 5 ans. Donc, il était dans le domaine artistique. Enfin, c'était pas directement un métier artistique, mais en tout cas, il était dans un contexte artistique, très surprenant. Et donc il a dit que c'était une des pires périodes de sa vie, mais qu'il a beaucoup appris. Donc, peut-être des pastels. Non. Oh, je suis pendu à tes lèvres, je t'en supplie, dis-nous. Non, attends, c'était artistique, c'est ça, tu dis ? C'était dans le domaine du cinéma. Ils étaient tous artistiques depuis le début. Donc, alors écoute, c'était dans le domaine. Poulet, on est quand même pas trop. C'est dans le domaine du cinéma, mais un cinéma très particulier, très précis. Le porno ? Le porno. Un petit peu. Oui, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait dans le porno ? Non, mais c'est pas un gros mot. Il était. Qu'est-ce qu'il faisait dans le porno ? Scénariste. Non. Épongeur ? Presque. Vraiment, on est pas. Eh ben c'est un métier. On n'est pas loin de ça. Franchement, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je pense que ça a dû lui arriver de déponger, clairement. Ah oui, bah voilà. Agent d'entretien, régisseur. Il était décorateur sur des tournages de porno. Ouais. Bravo à lui. Et c'est lui qui a fait tout ça aussi. Toute la déco du podcast, c'est lui. Ouais. Eh ben merci Patrick pour ce petit jeu d'exemple. Hakim, toi, t'étais pas du tout prédisposé à devenir décorateur de films porno ? Non. C'était pas le but ? C'était pas l'objectif principal. Pourquoi pas ? Je me suis renseigné, toi, tu voulais être footballeur. Oui. Et c'était vraiment le rêve de ta vie. Bah, j'ai failli devenir footballeur. J'ai failli du verbe faillir, évidemment. je voulais, ouais, ça a pas marché. Bah, je suis là, frérot. Non, mais c'est ça que... Enfin, j'aborde ce truc-là parce que je trouve ça super intéressant. Parce que c'est vrai que quand on est petit, ça fait partie des rêves de footballeur. Parce que c'est devenu ton métier à un moment, mais c'était ton rêve depuis petit ou tu t'es rendu compte que tu avais des aptitudes à ça, ouais. Merci. Facilité. Ouais. Bon, on est en binôme, hein. Ça va bien. Bien rattrapé, de ouf. écoute, non, ouais, depuis que je suis petit, je voulais devenir footballeur pro, mais je me suis vite, rendu compte que c'était très très difficile, hein, que c'était pas donné à tout le monde, hein, malheureusement. Hein. Et tu t'es blessé. Et je me suis blessé, ouais. Mais c'est pas ça qui a fait que je suis pas devenu pro, parce que ça, c'est l'excuse que tout le monde sort. Ouais, c'est ce que je veux dire. Tu vois, ouais, j'ai raté le but. Je me suis fait les croisés. Mais non, mais c'est plus mental, c'est compliqué, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir pro, et du coup, il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est triste, on aurait pu pleurer, mais ça fait partie de la vie. Mais en même temps, on t'aurait pas connu en tant qu'humoriste, donc on aurait perdu c'est beaucoup exactement... de dire. Ça, c'est gentil, les frérots. Mais non, mais c'est exactement c'est là où que je moi, les frérots, c'est que moi qui l'ai dit. Le frérot. C'est vrai, je rectifie. Merci, Adrien, merci. Non mais parce que c'est ça que je trouve fou, c'est qu'en fait tu es allé du coup vers le spectacle, vers le sketch, mais de quelle manière du coup ? Il se passe combien de temps entre ta blessure et du coup ce mental que tu perds un peu et la première fois que tu te dis vas-y je vais jouer des sketchs sur scène ? T'as commencé par la scène parce que les gens pensent que tu as commencé par internet ? Non, toi tu étais d'abord au Paname où tu jouais du stand-up. Ouais, bah en fait c'est marrant, tu disais au départ que il fallait tout t'abandonner, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai à peu près tout loupé dans ma vie. Ouais, c'est pas très très marrant de ouf, mais ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, j'ai tout loupé. En fait, je me suis un peu laissé aller, quoi. J'ai vu un peu là où la vie allait me mener, et puis je suis arrivé un peu là-dedans par hasard, en vrai. Hein. J'ai pas vraiment fait exprès. Enfin, tu vois, j'ai pris l'initiative de faire les cours Florent, etc., évidemment, parce que j'avais envie de pouvoir m'exprimer. Parce que, si tu veux, à l'époque, c'était impossible pour moi de m'exprimer là, devant autant de personnes. J'étais trop timide et tout. Donc j'ai pris des cours, et puis ça m'a fait du bien, et puis ensuite, j'ai pu me libérer, ouais, c'est tout. Et alors, j'ai noté un petit truc, et j'aimerais que tu nous en parles, parce que je pense que ça va tous nous intéresser. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as pris des cours et tout, et tu as fait le casting de La Nouvelle Star. Oui. Alors, est-ce que le cours Florent t'a permis de faire ça, ou est-ce que c'était avant ? Non, c'était avant, c'était une erreur de jeunesse, hein, les amis. Ah ouais, c'est vrai que j'ai tenté, mais c'était pour rigoler. Hein. Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est comme les gens qui regardent. Comme les gens qui regardent, mais non, mais c'est pour rigoler. Là, c'était pour. Non, non, on y allait avec des potes, c'est vrai, j'ai tenté le casting. Mais... Et est-ce que tu peux nous dire le choix de la chanson? Franchement, non. Hein. Ah, ok. Non, c'est. Eh ben alors, attends, j'aurais, du coup, ok. Si, si, si, si, si, c'était Notre-Dame de Paris, putain. Lequel, laquelle? C'était. Comment Belle. Belle? Ouais, Belle, ouais. Et je le referai pas ici en direct, les frérots. Bon, allez, chante-le. Allez, puis après, tu nous feras un sucre. Allez, allez, bordel. Ah, je sais plus chanter, c'était nul, c'était honteux. Heureusement, j'ai tout fait supprimer. Oui, oui, non, j'ai rien trouvé. Comme Dieu sait que j'ai cherché. Et Dieu sait que j'ai cherché. J'ai même appelé Hugo tout seul, qui m'a dit, on l'avait à une époque, mais vraiment, ça va pas le faire marrer. Vraiment, laissez tomber tout de suite. Toi, Patrick, ce que je trouve aussi fascinant dans ton parcours, c'est-à-dire que tu es arrivé, donc, comme tu disais, par la radio. Ensuite, il y a eu YouTube. YouTube, à une époque où c'était pas vraiment la mode des vulgarisateurs, d'ailleurs. Ouais, c'était en 2013. Donc, avant que je découvre que les femmes pouvaient jouir. Donc, oh. Déjà, voilà. Ah, donc c'est vrai qu'il y avait assez peu de contenu de vulgarisation à l'époque. Et puis, il y en a eu beaucoup plus par la suite. Voilà, absolument. Tu dis vrai. Et depuis, tu as fait... Attends, depuis... il est fini de boire, peut-être. prochaine phrase. Et depuis, tu as fait de la BD, ouais, des livres. C'est vrai. Maintenant, de la scène. Tu fais avec La Veillée. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce que c'est en plus, il y a un bel événement dans pas très longtemps. Oui. Alors, La Veillée, c'est un spectacle qu'on a lancé en 2015 avec mon associé Damien Maric. Et dont le principe, c'est de faire venir des gens sur scène, des gens qui ont vécu des histoires incroyables et qui viennent les raconter, en public. Et le 15 mai, donc, ce sera la 10e édition pour le 5e anniversaire de l'événement. Ce sera au Grand Rex. Donc, il reste des places, si ça vous intéresse. Et le principe de La Veillée, c'est qu'on ne dit jamais qui sera présent. Donc c'est toujours une surprise. Comme nous. Voilà, exactement. Ouais. Et donc il y a à la fois des anonymes et des têtes connues parfois. Donc il y a une chaîne YouTube de La Veillée qui s'appelle La Veillée. Et donc il y a déjà une quarantaine d'histoires dessus. Et là je suis très très content parce que vraiment l'affiche est très très belle. C'est un peu frustrant de pas pouvoir en parler. Mais tu peux. Ouais, non, vraiment. En fait j'ai hâte. Dans l'absolu. C'est des limites qu'on se fixe nous-mêmes. C'est vrai. C'est un plafond de verre qu'il faut briser, Patrick. Mais j'ai hâte de voir les réactions, si tu veux, des gens dans la salle. Zidane. Quand les invités vont débarquer. Juste, on va dire tous les noms qu'on connaît et tu dis oui ou non. Zidane, il est à l'entracte et il fera des coups francs sur la scène. Dans le public. Ah, bah, sympa. Voilà. On viendra à l'entracte alors. Donc voilà, c'est le 15 mai, et donc ouais, je suis très très content. Donc voilà, c'est ce que je disais, Patrick est un peu touché à tout. Il y a un truc qui l'a touché, et il en parle assez peu. C'est... Non, t'inquiète pas. Je suis pas venu ici pour être cancel. Hein. Non. Vraiment pas. Et pourtant, Dieu sait que ce public est woke. Mais nous n'allons pas te cancel ce soir. Non, on a trouvé, en fouillant un petit peu, une carrière passée, on pourrait dire. Puisque, comme il vous l'a dit, Patrick est fan d'insolites. Il est fan de ce qui est un petit peu étrange. Et il est fan d'X-Files. Ouais, ouais. T'es un peu le Mulder de YouTube. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que... Ne réagis pas à mes phrases. Aucun problème. Oui, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est que... Ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment honteux, donc potentiellement comme ton casting. Ouais, ouais, ouais. Sauf que moi, vraiment, ils l'ont retrouvé. La vidéo est sur Internet. En fait, ça fait des années que j'attends que quelqu'un le déterre, parce qu'il est sur Internet, mais il est bien caché sur Internet. Oui, on va nous donner le titre tout de suite. Je l'avais mis dans un coin d'Internet pour le partager avec les potes avec qui on avait commis ça, donc il y a 20 ans de ça déjà. Oui, le verbe commettre est important. Ouais, ouais. Et donc, tu l'as partagé avec moi aussi. Personne n'a jamais déterré ce truc-là, et donc là, ce soir. Devant vous. J'avoue que si j'avais pu imaginer à l'époque que ce truc se retrouverait devant 1200 au personnes, Bataclan, ouais, sur un écran géant, je l'aurais sans doute pas fait. À l'époque, et oui, j'étais très fan de X-Files. Depuis, tous mes potes étaient fans de X-Files. C'était il y a 20 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas, les amis. Et donc, c'est vrai que c'est moi qui jouais Mulder, tant qu'à faire. Bah oui, bien sûr. Et donc, il y a eu deux épisodes de ce film qui s'appelait Gambler File. Gambler, pourquoi? Parce que c'était un mot qu'on disait souvent dans la bande, voilà, cette espèce de gambler, private joke gambler. Oui, petit délire entre vous, ça, j'ai l'impression, ouais, un petit. Bon, voilà. Et donc on a fait un premier épisode qui était vraiment vraiment catastrophique, c'est-à-dire que ce qu'on va voir là. Là, c'est le deuxième, il est pas ouf non plus, hein, attention. Mais justement, honnêtement, le deuxième épisode, c'est du Terrence Malick à côté du premier. Voilà. Et déjà, le deuxième est catastrophique, et donc je sais pas vraiment comment je vais réagir. C'est un paradrap, faut l'enlever. Voilà. Au moins, ce sera fait. Je ne vivrai plus dans l'angoisse que ce truc. Tout à fait. On va pas le regarder en entier. Non, vraiment pas. Ça va te libérer. Je vais demander alors de baisser un petit peu le son parce que le son est pourri, on va le dire. Le son de la vidéo, hein, je parle pas des micros. La vidéo qu'on va mettre, le son est dégueulasse. Tu nous expliqueras un peu comment ça a été tourné parce que vous allez sûrement rien comprendre. Non. Mais ça permettra de voir la carrière d'acteur qui est passée un petit peu à côté de Patrick. C'est terrible. Et on lui fait un petit coucou. J'ai peur, j'ai très peur. Oh putain. Quel vachement. C'est du 4K. Hein. C'est pas moi là. Hein. C'est John Hammond. Oh là là. Quelqu'un bizarre de ce moment-là. Regarde, cette jeune femme, elle était complètement respirée. Non, c'est pour rien. On dirait qu'elle était Ouais. Moi je pencherais pour le trafic d'organes. Mulder a un t-shirt X-Files. Hein. Oui. Mulder, je t'ai déjà dit, ça n'existe pas les extraterrestres. Regarde, regarde cette chose, j'ai découvert ici. Une déconne. Cachée au plus profond de son fion. Tu vois, il était disposé mortel. Oh fille. Vivée. Sodomisée par une télécommande. Je vais de ce pas. Explorer la piste extraterrestre. La pauvre fille sodomisée par une télécommande. Bon. Alors. Bravo. C'est très sympa de ne pas avoir pris les pires extraits. C'est dire si les autres sont vraiment terribles. Hein. C'est le meilleur. C'est le meilleur extrait. On va les vendre en fait. Et donc, la personne qui joue Scully, puisque donc sur la gauche de l'écran c'était Scully, c'était. Oui, on ne pouvait pas la faire parce qu'elle n'avait pas un t-shirt X-Files. Absolument. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ou la veste d'Indiana Jones. C'était un ami, parce qu'il faut savoir qu'on avait mis les cassettes en dépôt-vente dans une boutique d'Avignon à l'époque. Et l'ami qui joue Scully, un jour a décidé de récupérer toutes les cassettes pour les brûler. Vraiment, il a très très mal vécu ce truc-là. Vous avez vendu ça là? Ouais. Le bouquin. Mais non, mais moi, il y a une confiance folle quand même. Ouais, mais j'avoue. Non, mais j'admire. C'est voilà. Et donc, là, l'histoire, effectivement, c'est que sur la table, il y avait une personne. En fait, on avait juste un costume. Donc, il faut imaginer qu'il y avait une personne qui aurait été aspirée comme ça par des extraterrestres. Comme... Les gens l'avaient compris, hein, je crois. Voilà. Ouais. Bah, je sais pas c'était si limpide. Je sais pas si on a bien entendu le dialogue. Ouais. Voilà. Fion, j'ai entendu. Ouais. Il y a eu Fion. On a Fion et sodomisé par une télécommande. J'ai l'impression qu'on a le plus gros de la substance. Globalement, on a le pitch de l'histoire. Et voilà. Et effectivement, j'avais un t-shirt X-Files dans le cadre d'une parodie d'X-Files, donc ce qui est une espèce de référence intradiégétique. C'est méta. C'est très calme-toi. Méta. Calme-toi. C'est très très méta. Télécommande dans le cul, si ça peut te faire redescendre un peu. D'accord. Voilà. Effectivement. Et ben je me sens mieux vraiment que ce soit public à maintenant, ce truc-là. T'as vraiment pas l'air. Vraiment. Non, parce que ça aurait pu être pire. J'avais peur de pire là. Ouais. Hakim, toi, quand tu bon alors tu as pas fait des trucs aussi bien. Désolé. Pardon. Ah ouais, non mais bon. quand t'as rejoint le Whoop, ouais. Est-ce que t'as retrouvé un peu ce truc des cours d'impro? Qu'est-ce que ça t'a apporté le Whoop, l'aspect bande du Whoop? Parce que c'est vrai que toi, comme tu disais, t'étais un peu solitaire et tout. Là, d'un coup, t'es avec une team. Plusieurs sucres. Plusieurs sucres. Plusieurs sucres. Dans un bon petit café. Bah, c'est vrai que. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, écoute, déjà, ça m'a. On s'est professionnalisé. Outre la thune, hein, bien sûr. Oui, aussi, c'est vrai qu'on est extrêmement riche, grâce à Dieu. Mais effectivement, ouais, c'est vrai que ouais, en fait, ça nous est tombé dessus un peu par hasard, qu'on s'attendait pas du tout à ce que ça fonctionne. En fait, du coup, ça nous a apporté, ouais, le fait de travailler beaucoup, parce qu'enfin, j'avais pas l'habitude de ça. Désolé de vous décevoir, mais ouais. C'est vrai, c'est tout, hein, mon pote. Hein. Non, mais parce que c'est là où je trouve le parcours génial. C'est qu'après, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, t'es complet à l'européen. Ça marche super bien. Ouais, ça se passe bien. Bah ouais, effectivement, le Whoop, c'est la plus belle expérience professionnelle de ma vie. Même amicale, ça reste des frères aujourd'hui. Et c'est vrai que oui, sans le Whoop, aujourd'hui, je serais sans doute pas avec vous ce soir. Enfin, tu vois. Et on est trop content que tu sois là. Bah, vraiment, c'est super plaisir. Super plaisir. Et surtout, ce qui est trop. Enfin, ce qui est fou, c'est que là, maintenant, il y a une série qui sort bientôt dans laquelle tu joues, Validé. Oui, de Franck Gastambide. Oui, tout à fait, le 20 mars. Le 20 mars, ouais. Sur Canal+. Et tu as été, alors on en a parlé dans le précédent podcast, mais tu as joué dans Docteur avec Michel Blanc, mais le film est sorti depuis. Oui, alors, et félicitations. Il y a un point d'interrogation. Ah oui, pardon. Donc c'est Docteur. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Voilà. Ah, moi j'aurais joué Docteur. Après chacun. Les deux sont validés. Ouais, ok. Ah, validé. Validé, non, mais la c'est... série, t'as compris. Bah oui, oui évidemment. De très fort en promo, j'ai l'impression. Bah, ouais. Je suis exceptionnel. Et ouais, t'as joué dans Docteur, dans lequel même t'as été prénommé au César, t'es allé au dîner prénommé des Césars. Ouais. Cool de pas avoir été nommé, j'ai l'impression. Ouais, passer à côté d'une bonne saloperie, j'ai l'impression. Franchement, j'étais super heureux de pas être là, mon pote. Ouais. Bah écoute, toi, prénommé, j'étais content d'être prénommé. Parce que Est-ce qu'on peut expliquer comment ça se passe? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le dîner des prénommés. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ça aux gens qui ne connaissent peut-être pas? Bah, en fait, il y a des gens qui votent, et je sais pas trop c'est qui. Oui, on se demande. Pas pour toi, hein, mais. Et bim, dans l'actu. Ah bah Guillaume Tell, en plein dedans. C'est vrai, hein, tu marques un point. Hein. Il prénomme 16 filles, 16 mecs, et voilà. Et puis après, en fait, on est invité à ce fameux dîner des Césars. On doit venir avec son parrain. Moi, comme parrain, j'avais Michel Blanc. Très stylé. Très très stylé. Et puis il y avait un peu de monde, tu vois. Et puis c'est une soirée un peu, comment dire, c'est pas très à l'aise. Hein. Ah ouais. Ouais. T'avais un costard ou pas? Évidemment, j'avais la rage. Oh, magnifique. Ouais, j'avais un costard, cheveux sans casquette, rien. T'es obligé d'être propre, quoi. Voilà. Ouais. Ah, il y a même pas le droit à la casquette au César? Non. Il faut venir. Non, faut même venir une habiller. Gucci. Une de la veine. Surtout une Gucci. Surtout, non, t'as le droit à rien. Non, mais je suis venu avec Michel. Michel, il a mangé, il est parti tout de suite, il avait pas envie de rester. Je pense que Michel, il serait bien avec la casquette, il lui aurait pas dit de l'enlever. Non, Michel, c'est autre chose. Même une casquette bronzée 3, il l'aurait laissé. Il est pas là. Il est pas là. Mais il écoute certainement, parce qu'il aime bien. Bien sûr. Et à qui, ma dernière question que j'avais, c'est est-ce que tu te souviens du premier sketch que t'as fait, sur scène? Sur scène, la première fois que t'as fait du stand-up, c'était quand ça d'ailleurs, à peu près, en quelle année? En découverte d'orgasme, par exemple. C'était quand j'étais petit, c'était en primaire. Hein. Pardon? Ton premier stand-up? Ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai joué devant ma classe. Ah, à la fin des cours? À la fin des cours, j'ai joué devant ma classe. Ouais, j'avais repris un sketch, putain. Je sais de qui, moi. De Maxime. Oui. C'est les baskets. Je sais pas si vous connaissez. Ah, le mec, c'est pas le mec des Nous c'est nous ou... Non, ça, tu confonds avec voilà. Jean Dujardin. Ouais, c'est ça. Non, il était pas dans les Nous. Non, mais c'était cette génération-là, Maxime, c'est celui qui faisait le sketch des t'as des baskets, t'as pas de baskets, tu rentres c'est pas. C'est lui, voilà, je l'avais dit. Oui, bah vous êtes jeune, super, ouais, génial. Ouais. Bah, après, dans les Nous c'est nous. Mais de Elikaku aussi. Elikaku aussi, évidemment. Ouais. Ouh, le micro, il a changé, c'est devenu bien. C'était ça. Maxime et Elikaku, ouais, Elikaku beaucoup. Grosse référence, Elikaku. Grosse référence. Mais je me parlais de la première fois que tu as fait un sketch devant un public payant. Un public payant, ça devait être avec. Ouais. Avec le Hoop, à mon avis. Hein. Ah ouais, d'accord, t'avais jamais fait de stand-up non, avant. En payant, c'était avec le Hoop. Ouais. Bien joué. En payant. Ouais. Un truc correct, quoi. Très stylé. Et alors, est-ce que tu sais quand est-ce que sont les prochaines dates où tu joues ton spectacle? Ouais, ma prochaine date, c'est le 25 mars à l'Européen. Ouais. Bon, bah, ouais. Hey, c'est complet ou pas encore? J'ai pas encore vérifié. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à venir très nombreux. Les gars, merci beaucoup d'être venus. Mais plaisir. Avant de partir... je vous ai bien niqué, là, hein, t'as vu? Avant de partir, parce que Patrick nous a montré... c'était ton premier sketch, Patrick, dans lequel t'as joué ce petit classique? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais. J'ai également en ma possession le premier sketch dans lequel a joué Adrien Méniel. La question est, le diffuse-je? Bah oui, écoute. Bien sûr. Alors déjà, est-ce qu'on peut, on en avait un peu parlé dans un ancien podcast, c'est beaucoup plus propre que Patrick, je vous rassure. Vraiment, c'était un sketch avec les gars en t-shirt? Absolument. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Bah oui, alors les gars en t-shirt, c'était le collectif dont faisait partie Aurélien Prévost avec son frère dans Nicolas. Le public, ouais. Oui, et son et Nicolas. Et Nicolas, son frère qui est là aussi, m'a-t-on dit. Et je vais faire toute sa famille pour voir. Il y a encore 17 prénoms, donc ça va. Sa tante. Génial. Non, j'arrête. Non, et avec des amis à eux, ils avaient ce collectif qui faisait des petits courts-métrages. Et puis, la vie, cette folle, nous a fait que nos... Insaisissable. A fait croiser nos chemins. Et ils m'ont dit, est-ce que ça te dit de venir jouer dans un sketch avec nous? Moi, j'avais jamais fait ça. Et j'ai dit, ouais. Et on va regarder un petit extrait. 20 ans après, j'étais comédien. Donc, quand même, en termes de fulgurance de carrière... On va regarder un petit extrait, c'est de s'appeler Les films chez Kubrick. Alors, c'est pas le premier, mais oui, c'est celui-là. Pardon? Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais des mini AVC, hein, vous faites pas gaffe. Et oui, donc c'est un sketch qui est encore maintenant sur Dailymotion, dans lequel tu croques un petit peu le rebelle, un petit peu, j'ai l'impression. Ben oui, on m'avait demandé de faire l'accent Kaira, comme on dit. Donc j'ai fait ça, quoi. Et on va regarder, c'est pas trop blanc, ça va. Ouais. Non, ça va. Donc là, t'arrives pas à finir ton roman, hein, tu deviens fou, la maison est hantée, joue là, c'est... Ok, je dis go, et t'attends 5 secondes et t'y vas. Go, ça file. Ah, franchement, je suis vénère, j'arrive pas à finir mon roman, là. Ah, j'ai trop pas d'idées, franchement, ça me met les nerfs. En plus, la maison, elle est chelou. La dernière fois, sur mes deux yeux, j'ai vu un fantôme et tout. Ah, peut-être je vais devenir fou, hein, je sais pas. Ah, peut-être je vais tuer toute ma famille avec une hache, je sais pas. Peut-être demain, je sais pas. Ok. Wesh, Redrum, tac-tac, nanani, nanana, vite fait. Hein. Qu'est-ce que tu veux de ma vie, que... En vrai, j'ai moins honte de la performance d'acteur que de ce bouc de cou. Qui n'est pas... ils m'ont pas dit, vas-y, c'est bien si tu te rases là, et tu... c'est mon look de toute la vie, tout le temps. Voilà. Je suis très heureux d'avoir partagé ça avec plein de gens. En tout cas, les gars, merci beaucoup d'être venus. On vous applaudit. Bravo, merci beaucoup. Avant de passer à la suite de ce podcast avec les prochains invités, on voulait accueillir un invité spécial, quelqu'un d'éminemment talentueux, quelqu'un qu'on adore avec Adrien, quelqu'un qui... Ouais, comment on pourrait le décrire, Adrien ? C'est... Un virtuose, ouais, de l'imitation. C'est un espèce de caméléon, en fait, en termes de... En tessiture vocale, pardon, c'est un caméléon. Voilà. Non, mais je vois que vous rigolez, c'est... Non, là, oui. Dans le domaine de l'imitation, c'est l'équivalent d'un calligraphe japonais de 120 ans qui, vraiment, ne vit que pour son art, quoi. En l'entendant, Laurent Gérard a chialé. Non, ouais, mais c'est vrai, on peut le dire. C'est vrai. Il a chialé. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Simon, l'homme aux mille voix. Simon, bonsoir. Donc, il a besoin de se chauffer la voix un peu. Ouais. Bah oui, Usain Bolt, il court pas le 100 mètres d'un coup, hein. Il se fait des petits tours de stade avant. Simon, c'est pareil. Il y a une montée en puissance, mais quand c'est là, c'est assez impressionnant. Ok. Encore, c'est bon ? Simon, c'est bon ? Allez. Alors, Simon... La voix... Oh. Ah, ouais. C'est pas bon du coup, ok. Le niveau est bien, Simon ? Ouais. C'est pas commencé, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Non, non. Là, c'est sa vraie voix. Hein. Ah, allez. Ouf. Allez. C'est bon ? C'est bon, Simon ? Ok. T'es en train de pleurer ? Non, ok. Ok. C'est. Ouais. C'est bon ? Ouais, allez. Peut-être... Okay. Allez. Okay. Peut-être faire ça en coulisses la prochaine fois. Ouais. C'est bon ? Ouais. Alors. Nous sommes, alors bon, les gens du podcast qui écoutent le podcast chez eux n'ont pas besoin. Vous, je vous invite quand même à fermer les yeux. Non, mais c'est mieux. Pour se plonger, c'est saisissant. C'est une immersion en fait. Ouais. Simplement. Nous sommes avec. Le micro, Simon. Okay. Nous sommes avec le président Macron. Le baratineur en chef. Oh, oh là là! Attendez. Le déconcentrez pas, même si c'était extrêmement drôle. Monsieur Macron, vous avez fait passer en force le 49-3, le mal nommé 49-3. Qu'avez-vous à dire aux Français qui sont très mécontents ? Nous avons mis... Vas-y. Nous avons mis en place... D'accord, ok. Ouais. Non, c'est... si. Non, mais si. Non, c'était pas mal. C'est... Une autre ah. Ok, une autre. Monsieur... Ah, attendez. On se téléporte. Monsieur le Premier ministre. C'est bien. Okay. Il l'a mieux. Ce fameux 49.3, comment justifiez-vous après avoir... Eh bien, nous a... Okay. Non. Ah non plus pas, non. C'est les politiques, ça va pas, c'est... Mais du coup, on fait Villani ou pas? Ouais, ça tu l'as? Okay. Villani, ok. Alors, bon, peut-être c'est... Ouais. Alors, Cédric Villani, vous êtes candidat à la mairie de Paris. Quelle serait votre mesure concernant les voies sur berge qui... Mesure. Parle pas en même temps. Vas-y. Ouais. Quoi? Bah, j'ai pas fini, j'étais censé te lancer. Ah, vas-y, go, attends, vas-y. Non, pas... Monsieur Villani, alors? Alors quoi, du coup? Je refais? Ok. Non, un autre. Un autre? Mais là, les gens... Ok. Mec, c'est incroyable. Tu nous as donné ta liste. Mais... Buzyn? Buzyn? On fait Buzyn? Bah vas-y, du coup... Madame Buzyn... À fin. Non mais mec, attends, mec... Tu fais même pas une voix de femme, là. Tu fais aucun effort. C'est une femme. Est-ce que... Bah, oui, alors c'est une femme, d'accord. Est-ce que c'est vraiment l'époque pour singer les femmes? Non, mais c'est pas la question. Enfin, non, déjà, attends, ouais. C'est le principe de l'imitation, déjà, en fait. Non, alors déjà, l'imitation, c'est aussi croquer la personnalité. Ouais. Enfin, c'est beaucoup la voix aussi, hein, quand même. Hein. C'est ouais. Aussi, ouais. Il y a un problème, il y a un truc. Ouais, je suis pas bien, en fait. Ah oui, voilà. Ouais, parce que déjà, les gens se marrent, c'est super stressant. Et je le prends pas contre moi, mais quand même, c'est pas contre toi, je te promets. Non, mais c'est juste que vous m'annoncez et vous mettez une pression de dingue. De quoi? Mais ben, vous m'annoncez, j'arrive, c'est super intimidant. Mais l'homme aux mille voix, c'est toi qui nous a dit que c'était... L'homme aux combien? Aux mille voix, ouais. C'est ton nom sur WhatsApp. Ouais. C'est moins de 1000 voix? Ouais, j'en ai beaucoup moins, ouais. Ah ouais, d'accord. Mais donc quoi, 5-600, c'est... Ah, j'en ai moins que ça, hein, vraiment. Ah ouais. Combien? Genre 10? Ouais, une dizaine. Ah ouais, 10 voix. Ouais, c'est beaucoup moins 5, que 1000. 7, 5. Ah. Bah, 7 ou 5? 4. J'en ai 4. Ah. Je compte jusqu'à 3. À 3, sans réfléchir, tu dis le nombre de voix que t'as. Ouais. 1, 2, 3. J'en ai pas. Ah. Mec, c'est pas fou. Non, si. Ah, si. Ah, t'en as une? Non, si, j'en ai, bah, j'en ai une. J'en ai, c'est incroyable. J'en ai une demi. Ouais. J'ai un demi-Bachung. Alain Bachung, le chanteur. C'est bien, ça ouais. Parle à tout le monde, c'est cool, ça. Ouais. Et c'est quoi? Vas-y. Allez, on est pile dans l'actu, c'est bien. Super intimidant. Dans l'actu, Bachung, cool. Allez, on ferme les yeux. Fermez les yeux. Alain Bachung. 96. Ma petite entreprise. Coupez-le. C'est ouf. C'est incroyable. Non. Donc c'est zéro, en fait. C'est un deux. Hein? C'est zéro voix, en fait. C'est pas zéro. Attendez, est-ce que vraiment... Ta voix, est-ce que vraiment c'est un tribunal, ici? J'ai pas l'impression. Non. Non, mais c'est... Enfin, vraiment... Ah, bon, en fait, c'est quoi? C'est l'imitation qui pose problème. C'est l'imitation. Attends, parce que t'es acteur. T'es comédien. Bon, alors, on n'a qu'à dire, voilà, le dites pas, je vous montrerai, je ferai du montage. Ouais. On n'a qu'à dire que l'homme aux mille voix, c'est que tu peux interpréter 1000 personnages, vu que tu peux peut-être. Je te lance une situation. Tu fais de l'impro. Mais déjà, baisse le chiffre, parce que je t'assure que c'est super. Ouais, mais tu comprends bien que si je dis l'homme aux 4 persos, les gens vont pas être. Voilà, c'est peut-être sur mon domaine, effectivement, sur l'imitation. Voilà, je sais que j'ai des capacités, mais peut-être que je peux expérimenter encore un peu plus ça de mon côté et revenir vers vous. Faisons ça. Allez. Alors vas-y, je te lance une situation plus de comédien. Okay. Bon, imaginons t'es prof, professeur des écoles. Tu enseignes la physique chimie, dans des familles un peu aisées. Et là, bim, tu arrives dans une classe très dure, un peu esprit rebelle. Le film. Gangster's Paradise. C'est bien de ouf. Ouais. Ça c'est pour te mettre dans le. C'est bon, je crois que. T'es dedans, t'as la BO dans la tête. Et silence, tu essayes silence de, total dans la salle. Tu essayes de dompter cette classe quand tu veux, Simon. Nous avons mis. Mais c'est Macron, t'as fait, c'est celui non, que t'as fait. Pas mais si c'est pas Macron. Mais t'as refait Macron. C'est un perso. Moins bien que la première fois. Mais ouais, t'as. Non, mais je suis désolé. Simon, c'est chiant. En vrai, c'est chiant. C'est casse-couille. C'est casse-couille. C'est-à-dire qu'on te vient. Alors bon. On t'invite, c'est de la merde ce que tu fais. Qui t'invite? Qui t'invite? Ben ouais, je sais. C'est pour bouffer des pizzas gratos en coulisses, mec, ouais. C'est incroyable. Alors d'accord, bon, peut-être on te paye pas, mais bon, enfin, je veux dire, il y a quand même de la bouffe. Bah, les pizzas, ça pousse pas dans les arbres non plus, donc. Non, mais après, ouais. Je veux dire, je suis pas venu ici pour me faire griller sur une poêle. C'est vrai? Ouais. C'est une imitation, ça, de Maïté ou quoi? C'est quoi? Non, non, c'est une image. C'est une image. C'est une image. Parce que moi, je suis super. C'est l'homme aux mille métaphores, en fait. Tu lui parles super bien. Peut-être plus, peut-être plus. Tu peut-être vois. Plus, ouais. Bah, fais-en quelques-unes, ce sera peut-être mieux que tes imitations. Non, mais j'ai. Non, attends, non, mais c'est incroyable. Non, mais excusez-moi, ouais. Juste, j'arrive pas à comprendre le climat en fait. Parce que moi, je viens, je suis super content, mais si c'est pour qu'on s'engueule, ça n'a aucun intérêt. Mais on s'engueule pas. C'est toi, tu dis, on fait des imitations, tu fais. Ah, bah attends, et ben moi, je peux vous imiter par exemple, si vous voulez. Tu vois genre, ouais. Adrien, avec mon fien, je mange. Ah, bah là, je mange plus de viande. Moi, la viande, j'aime pas ça, je suis vegan, voilà, bah ça je peux le faire, voilà, ça je peux le faire. Simon. Pardon, excusez-moi. Non, bah t'es sorti de tes gonds. Ouais, excusez-moi, mais c'est juste, c'est super hostile ce qu'il met comme. Bon, écoutez, on va, désolé, on va prendre une mini pause, le temps d'en discuter. Je pars du bon côté. On va aller discuter deux minutes. Ok, je vous, vous mets une toute petite page de pub, ne bougez pas, on revient vraiment dans 20 secondes. Désolé. Bah non, mais pardon. Star Academy chante Michel Sardou. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Fan des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Mon père Ayala nous a mis à Baudouin, ça c'est comme un don. Là-bas, la Star Academy chante Michel Sardou. La maladie d'un bout. Un disque Mercury. Bigard au Stade de France. Laissez-vous pénétrer par l'idée dans un premier temps. Un événement unique, une heure de bonus exclusif. Allez, go ! Bigard au Stade de France, enfin disponible en VHS et double DVD. On va continuer le podcast avec les deux prochaines invitées. Marina Rollman. Bonsoir. Mais bonsoir, on est extrêmement loin les uns des autres. Ouais, c'est surprenant. Hein. C'est hyper étrange. C'est surprenant. Salut. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on va juger un truc, on parlait d'Eurovision tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a le Luxembourg, la Grèce et la Turquie, c'est bizarre. Ça fait un peu les grosses têtes. Ah bah, c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Belle ambiance. On a reçu une lettre de Ruquier, apparemment on a tout piqué. Ouais. On a tout piqué à Ruquier. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup d'être venu. C'est des lumières de salle, Alison. C'est incroyable. C'est de toute beauté. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour parler, comme Hakim et Patrick tout à l'heure, un peu de vos débuts, de quand vous avez commencé chacune vos fabuleux métiers. Alison, vraiment, elle est à Disneyland. Mais non, mais j'avais pas vu la déco, c'est merveilleux, bravo. Bah oui. Merci, ce, écoute. Est-ce que ce serait Crazy pas Crazy Frog, Frog. Oui, pardon, oui, merci ça. Beaucoup. C'est Crazy Frog. Absolument. Et Bill, oh mon Dieu. Ouais, alors d'ailleurs, juste petite anecdote. Donc j'ai acheté ça moi-même sur Vinted. Bien sûr. Et voilà, et c'était, je vous le cache pas, c'était des annonces qui avaient bien 8-9 mois, donc les gens étaient surpris. Genre, ah ouais, sérieux? Ma meuf a failli me défoncer parce qu'elle a dit c'est obligé, le Crazy Frog il a des mythes, ou tu sais, des puces de lit dégueulasses. Et juste pour faire une petite vanne, juste pour faire rire Adrien, j'ai envoyé comme donc j'avais reçu le truc, et la personne qui me l'a vendu me dit vous avez bien reçu le colis, machin et tout, et je dis oui, merci, en revanche. Elle est particulièrement crazy, cette frog. L'enfer. J'ai voulu faire une petite blague comme ça. Elle m'a répondu, oui, ça nous a causé beaucoup de soucis à nous aussi. Le héros d'une génération. Donc oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour parler effectivement de vos débuts. Marina, toi, je sais que... Alors, c'est une anecdote que tu racontes beaucoup et je te fais répéter ça. J'en suis sincèrement désolé. Après, j'avoue que j'espère que tu donneras des petits détails en plus, car bien je suis sûr, quelqu'un évidemment. D'un peu fripon à ce niveau-là. Voilà. Tu as commencé le stand-up assez tôt, en vérité, oui. Avant de tout parfaitement abandonner. Oui, absolument. En fait, j'ai fait... j'étais dans une période où je me cherchais un petit peu comme beaucoup d'entre nous, j'imagine beaucoup de gens dans cette salle aussi, entre des études et un métier, et rien ne marchait vraiment. Et à un moment donné, j'ai vu un spectacle de Jerry Seinfeld, je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire ça. Et je suis tombée sur un concours d'humour, il fallait envoyer une vidéo, et je pense que comme ils avaient reçu aucune autre vidéo de femme, j'ai été sélectionnée. Mais c'était une immense erreur, c'est une vidéo que j'ai tournée dans ma colocation à l'époque. Je crois que je faisais parler une autruche en paillis à un moment donné. Enfin, c'était vraiment assez triste. Ouais, ouais, je crois que c'était vraiment ça. Si vous la retrouvez un jour, je pense que je pourrais aller en prison. Et... Mais en plus, c'est un petit peu éloigné de ton répertoire, si je puis me permettre. Mais tu sais, tu te cherches au début un petit peu. Hein. J'aurais pu faire du slam sur un malentendu, vraiment. Ça aurait pu très mal se passer. Et donc, je suis sélectionnée. Je ne sais pas où va cette vidéo, mais je suis sélectionnée. Et je dois faire 5 minutes sur une scène. Et je n'avais jamais fait de scène de ma vie. Et j'arrive, et c'est un théâtre plus petit que celui-ci, mais c'est quand même un assez grand théâtre. Et il y a 4 personnes dans le théâtre qui ne sont pas assises au même endroit. Donc, même pas d'effet de masse, tu vois. Même si tu déclenches un rire, c'est vraiment genre... Écoute. Écho. Et donc, moi, c'est la première fois que je passe sur scène, je me chie dessus. Et juste avant que je rentre sur scène, c'était un concours qui était organisé en partenariat avec France 4. On me fait signer ce qu'on appelle une cession de droit. C'est-à-dire que je donne mes premiers-nés sur plusieurs générations à France 4. Et donc, ce passage sera capté. Donc, je commence. Je fais vraiment de la merde en barre, mais un truc international. Parce que je pense que. Merci beaucoup. Oh. Je pense que je savais pas. Et je sens. Oui, c'est bien. Parce que, enfin, peut-être il faudrait des petits manteaux aussi à un moment donné. Parce que je sens que j'ai mangé des choses. Bref, peu importe. L'excuse d'être malade, tu nous l'as déjà fait pour la première pour pas venir. Donc, ça ne marchera pas de fois. Non, je suis pas malade, vraiment. Je pense que j'ai. Non, mais c'était vrai. Et donc je fais ce passage sur scène des enfers où en fait quand tu sais pas bien faire de la scène au début, il faut en fait il faut comme tu l'as dit, c'est pas mon répertoire, mais en fait tu le choisis pas consciemment ton répertoire, faut le trouver en faisant. Or moi j'en avais jamais fait. Pardon. Donc en je pense 7 minutes de passage, j'ai fait genre du storytelling. Tu veux que je boive ? Non, c'est pour Anson à la pâte bouteille, pardon, excusez-moi. Je pense qu'en 7 minutes, j'ai fait genre un bout de storytelling, 2 one-liners, de l'absurde, un personnage, un mime, enfin vraiment rien n'allait quoi. T'as fait un festival de Montreux en une minute. Voilà, exactement. Entièrement. Mais avec que les gens les plus mauvais de chaque spectacle. Et donc, à la fin, il y a vraiment genre. Mais littéralement parce qu'ils étaient 4 dans la salle. C'est bien déjà. Et... Donc en fait, oui, c'est ça, ils étaient à fond en fait. C'est juste qu'ils n'étaient que 4. Non, même là, c'était du slow clap triste. Et en fait, je finis et le premier truc qu'il me dit, c'est ton truc, c'est plus l'écriture. Donc j'ai donc compris que le live, c'était peut-être pas pour moi. Et je repars chez moi et je pleure et je dis, je ferai plus jamais ça. Sauf que j'avais signé cette session de droit. Et donc ce truc était filmé. Et donc ça veut dire que pour les 5 années qui ont suivi, les 6 premières pages de résultats Google quand tu tapais mon nom, c'était cette petite vidéo. Voilà. Mais plus aujourd'hui. Non, parce elle a disparu. Dieu sait que j'ai cherché. Mais ça veut dire que là, pendant des années après ça, à chaque fois que je prenais un nouveau boulot, que je rentrais dans une école, le truc, au bout de 2 semaines, il y avait des gens qui me repéraient, qui étaient là. J'avais une blague horrible où je disais que j'avais inventé la poubelle. Et que c'est horrible, mais je peux même pas. Et que j'appelais ça le désencombreur Rollman. Ne me demande pas pourquoi j'ai fait ça. Et donc, au bout de 3 semaines, à chaque fois j'arrivais dans un nouvel endroit, il y a toujours quelqu'un qui me disait le désencombreur Rollman. Enfin, vraiment, en fait, tu sais, c'est le truc des casseroles de Arthur, mais dans la vie, tous les jours, on me le faisait. Et donc voilà, donc ça a été un des pires moments. Et ça m'a tellement échaudé que j'en ai plus fait pendant 5 ans, ce qui est une vaste erreur. Ouais. Normalement, il faut te planter et remonter tout, sur scène. Toujours. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Et donc peut-être qu'Adrien, tu as raison de ne jamais vouloir monter. Tu t'évites ce premier crève-cœur. Non, mais c'est vrai. Parce que, non, mais c'est une blessure d'ego horrible. En fait, tu dois comprendre que tu vas apprendre ce métier devant les gens, ce qui est terrible. C'est comme si tu commençais la gymnastique artistique au JO. C'est très dur. Et donc voilà. Donc c'était horrible. Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce petit passage. Et Alison, après je te parle quand tu bois. C'est parfait. Oui. Non, Alison, toi, c'était plutôt sur jouer la comédie. Et ce qui est assez surprenant, je trouve, c'est que tu n'étais pas, pour le coup, du tout axée sur le côté blague de la comédie. Tu ne voulais pas spécialement être comédienne d'humour, toi, quand tu as commencé. Non, pas du tout. Enfin, pas forcément. J'ai pris des cours de théâtre. Je me suis dit, je vais être comédienne, je vais faire des grands rôles et tout. Tu apprends des textes, du Racine, du Corneille. Et puis, finalement, on te retrouve à faire des blagues de Proust à la télé. Ça me va aussi, finalement. Bah oui. Ça demande une certaine technique. Et finalement, la comédie, c'est un vrai travail. Ça demande des connaissances, de savoir jouer des trucs. Acheter des perruques. Acheter des perruques. Ça m'a appris plein de choses. Et quand tu as commencé, toi, tu as fait le conservatoire, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait. Je l'ai lancé au pif. J'ai fait les cours Florent et un truc qui s'appelle le studio Pygmalion. Et ça m'a vachement appris. C'était un cours que j'adorais, qui est à Montrouge, qui existe toujours, où tu avais un mois un thème. Il y avait un mois, c'était la tristesse, un mois la colère. Et je me barrais toujours le mois de la sexualité. Parce que c'était un mois où il fallait se foutre à poil, littéralement. Ah, fallait vraiment être nu. Ouais, et j'ai une anecdote qui est hyper gênante. C'est on devait le mois de la sexualité, je l'ai fait une fois, une semaine pour voir. Le mois, c'était pendant un mois. Ouais, dans le métro, c'est galère. Dans le métro. Ouais. C'était pendant un mois. Et il y a un truc où tu fais un truc d'impro, où on devait tous se foutre à poil, et je me suis dit, mais personne va le faire. Et alors tout le monde se met nu, et moi je suis tout habillée, et tout le monde me regarde, genre trop la honte, elle est habillée. J'ai dit, les gars, c'est vous êtes tout nus. Et, et donc je suis passée pour la seule naze qui a pas réussi à le faire, et j'ai la prof et moi, on s'est engueulés parce qu'elle me dit, mais. Pourquoi tu le fais pas? Je suis pas épilée en fait. Elle dit bah, c'est pas grave. Je dis non, c'est hors de question. Après on va se revoir, ils vont repenser à ça. Ils vont dire elle était pas épilée ce jour-là. La discussion était très longue et alambiquée. Mais meilleure école de ma vie. J'ai appris plein d'autres choses. Mais j'ai l'impression que les en dehors du fait que je suis frigide. parce que aussi quand tu as pris ces cours-là, mais à côté de ça tu faisais des castings. Oui. Waouh. un enchaînement extrêmement smooth, non? Ouais, je faisais plein de. Je passais tout ce que je pouvais, j'avais les dents qui rayaient le parquet, on va déjouer un casting pour un yaourt, un gel douche, j'y allais. Mais tu l'as vraiment fait, ce casting? Ouais, pire truc de la vie, parce que justement, tu te dis, faut vraiment que je montre tout ce que je sais faire sur cette pub pour ce yaourt. Et les gens n'ont rien demandé, alors que juste, tu rentres, tu prends les yaourts, tu manges, je fais semblant de kiffer. Ah ouais, mais non, mais je veux montrer aussi que je sais jouer des trucs tristes. Refais sans pleurer, s'il te plaît. C'est très bizarre. Tu sais pas, à l'époque, tu dis peut-être ce Dircast, il fait des longs métrages. Tu sais pas que ça communique pas à l'époque. Bah, la pub pour les yaourts était réalisée par Jacques Audiard, quand même, faut le dire. C'était... Non, mais c'est ça aussi. Non, j'avais fait des caisses et c'était l'enfer. Et ça fitait jamais. D'ailleurs, ces castings-là, c'est des critères dans lesquels tu rentres et tu rentres dans des pièces. Enfin, tu passes ta vie à dire je suis unique, je suis quelqu'un d'incroyable. Tu rentres dans des pièces où tout le monde te ressemble en mieux. Et tu vois, oh, la salope, elle a plus petit nez, elle a des jambes, c'est une échelle. Et puis après, tu as des fiches de renseignements que tu dois remplir et tu vois, ah putain, elle a mytho, elle a 20 ans, elle a 25, vas-y, moi j'ai 19. Ça n'a pas de sens. C'est un exercice qui est compliqué. C'est très difficile. Ça donne pas confiance en toi. Mais après, ça fait des bonnes histoires à raconter. Bah, c'est ça. Et Marina, toi, tu as carrément quitté la France pour continuer le stand-up. Non, mais c'est quand même fou. Parce que tu sais, on ne l'avait pas tous vu, hein, tu pouvais rester. Hein. Tu as changé de vie. ouais, j'ai refait des papiers et puis je suis partie en Australie. Non, en fait, moi, je suis suisse à la base. Et donc, en fait, la parenthèse française, c'était parce que j'étais à l'université ici. Alors, est-ce que j'y allais? Est-ce que j'y allais pas? On n'est pas... Voilà. Non, mais l'université en France, on quoi. On ne va pas régler les choses. Oui, d'ailleurs, il y avait la Grèce. T'étais où? J'ai fait un peu d'architecture à Malaquais, c'est l'école qui est dans les Beaux-Arts, et après j'ai fait Paris Lettres Classiques. Dieu pas, j'ai fait ça aussi. Paris 7, 5, 12, 4, Paris 4, je crois. Et, un nombre premier, en tout cas. Voilà. Et à Saint-Michel. C'est une petite blague de maths. Voilà. Donc, en fait, je suis repartie en Suisse, c'est pas l'échec. C'est pas que d'un coup j'ai fait genre ah, suffit, j'ai vidé l'appartement et tout. Non, il se trouve qu'après les circonstances ont fait que je suis retournée ensuite. Et quelques années plus tard, en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'aurais dû remonter tout de suite parce que ça ne m'a pas lâché. C'est-à-dire que c'est resté cette blessure d'ego, un truc où je me suis dit un jour je remonterai, ça se passera bien. Puis je me dis mais j'aurais dû remonter la semaine d'après en fait, parce que là j'ai perdu 5 ans. Le fait est que j'ai pas complètement perdu 5 ans parce que pendant les 5 années où je suis pas remontée sur scène, j'ai regardé vachement de stand-up et je suis un peu allée à l'école passivement de ah, du coup en un passage, on ne peut pas faire une imitation. Puis un gag avec accessoires. Puis une autruche. Puis, c'est ça. Et donc, c'est ça que ça m'a pris. Et quand je suis remontée 5 ans plus tard, en fait, c'est un peu comme si j'en avais fait, dans la mesure où j'en avais vu tellement que j'avais un peu rangé le truc. Et je suis remontée sur scène en Suisse, et ça s'est très bien passé. Et là, tout de suite, ça s'est enchaîné. En 6 mois, j'avais du taf et tout. Mais parce qu'il fallait que. Là, ce qui était un peu arrogant, c'était de dire j'avais vu un demi-spectacle, et je me suis dit, allez, on va sur scène. Et c'est un peu le souci. C'est marrant parce que j'ai l'impression que là, dans la francophonie, on est en train de vivre un truc où les critères du stand-up s'élèvent vachement, la qualité monte, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, parce que c'est dans l'air du temps, voient un sketch et se disent « j'y vais !» Et tu dis bah, « c'est pas comme ça un métier, il faut lire plus qu'un livre avant d'écrire un roman, enfin il y a un truc un peu comme ça. » Donc j'en ai refait en Suisse et ça s'est bien passé, mais je crois que j'étais bien meilleure en fait. Bah oui, t'avais pris du skill. Tu t'as été voir aussi du stand-up quand t'étais aux États-Unis ou Ouais, j'en ai vu beaucoup. En fait, j'ai écouté énormément. Je pense un truc qui m'a vachement aidé. Au-delà d'en voir, je pense que quand t'en vois, t'es peut-être aussi un peu happé par le divertissement du truc visuel. En fait, j'ai écouté vachement d'albums. Ce qu'on fait plus trop dans la francophonie, ce qu'on faisait beaucoup et ce qu'ils font encore beaucoup dans le monde anglophone. Et si t'as le niveau, mais même si t'as pas le niveau d'anglais, en fait, au bout de 3 mois, t'en fous dans les oreilles tous les jours, tu vas l'avoir. Et ça, je pense que ça t'apprend vachement le rythme et comment est-ce qu'on découpe les phrases et c'est où les rires et tout. Et en fait, t'entends la musique, tu comprends comment tu structures des blagues juste avec la musique. Et ça, je pense que c'était peut-être l'enseignement le truc immersif. Mais comme si t'apprenais une langue, en fait, bah t'apprends le stand-up. Mais tu faisais, t'avais des petits tafs à côté, enfin tu faisais quand même ta vie ou tu étais vraiment concentré là-dessus? Non, en fait, je t'ai fait dans des trucs rien à voir. Donc j'ai arrêté de faire semblant d'aller à l'école ici. Et j'ai bossé dans de la publicité, j'ai bossé dans des boîtes de prod, j'ai fini par bosser dans une roulotte de potes à moi qui faisaient des hamburgers. Et en fait, moins j'avais des boulots qui étaient prenants la journée intellectuellement, plus le truc créatif était facile à faire à côté. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte. Parfois, je vois des gens qui font du stand-up ou d'autres choses, qui écrivent, mais qui ont déjà un boulot, genre dans la pub, ils sont déjà plumes pour une raison ou une autre la journée. Et je me dis, mais en fait, c'est épuisant. Et déjà, je pense que c'est à moitié motivant parce que tu dis que tu as quand même un chemin de carrière qui peut être intéressant et tout. Mais surtout, tu te vides créativement la journée. Je vois pas comment tu peux écrire à côté. Et moi, j'ai l'impression que de faire le pas, de dire, bon, je vais faire peur à mes parents, mais très bien, je vais genre bosser dans une roulotte pendant 2 ans, ça fait que tu as des journées, tu bosses avec tes mains. Je pense que ça te libère vachement le cerveau pour faire un truc créatif à côté. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment faire un truc créatif, je pense qu'il faut peut-être essayer de prendre un tout petit peu le risque de ne pas complètement assurer tes arrières à côté. Parce que moi, j'ai plein de potes comme ça qui ont traîné pendant 10 ans, puis bah, je leur ai mis un peu 10 ans dans la tête juste parce qu'ils ont fait le truc à moitié pendant très longtemps, quoi. Parce que toi, Alison, quand tu faisais tes castings, tout ça, toi, tu travaillais à côté. Oh là là, j'ai fait plein de jobs, j'ai fait plein de trucs. Moi, j'en ai noté un dans un salon de l'automobile. j'ai fait aussi... Ah, j'en ai fait où? Fiat. Peugeot. Ah. Aïe, aïe, aïe. Vous engueulez pas, hein. West Side Story. C'est passé, hein. Parce qu'on connaît les rivalités. Vous pouvez être potes quand même, ok? Tu rigoles, mais les vrais bonasses étaient chez Renault et après les autres marques. Ah ouais? Ouais. Y a des... Plus t'es grande, plus t'as des voitures. Moi, j'étais dans un... comment on appelle ça? J'étais entourée de plastique avec une bagnole. Je pouvais pas communiquer avec les gens. Dans un vivarium à voiture, en fait. Oui, voilà. Et en fait, je parlais pas. En plus, c'était l'enfer parce que j'avais déjà un peu tourné. Et donc, un peu, j'avais fait un film en fait. Et les cum qui avaient vu le film, oh, c'est la meuf qui était dans ce film-là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est wham. Et je tournais comme ça. J'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai fait un premier film qui s'appelle Mon père est une femme de ménage. Et après ça, j'ai eu un long moment où j'ai pas travaillé. Parce que quand t'es comédien, pour pouvoir bouffer, il faut faire 507 heures et avoir ton statut. Et je n'avais pas 507 heures. Donc, j'ai fait plein de trucs à côté. Et je faisais la figure dans des pubs. Sauf que je trouvais toujours le moyen d'être de dos. Et les réels, ça les rendait où ils disaient, tournez, non, je faisais comme un. Il y a même un épisode de Gossip Girl. Pardon? Où je suis de dos. Ah ouais? Ouais, dans la figure, toujours. Wow. Et derrière Serena. Oh! Ouais, mais ouais, je l'adore cet épisode. Et à Paris, je suis de dos. Ouais. J'ai fait plein de taf. J'ai donné pas mal de cours à des enfants, des cours d'anglais, cours de français, ou. En fait, j'ai primé de ouf pendant qu'ils me parlaient leurs verbes irréguliers, j'en pouvais plus. Stool, stolen, tout ça? Ouais, tu dis, qu'est-ce que je fous là? Je suis pas en train de l'aider, ce gamin. J'avais un élève qui était hyper actif et qui me détestait. Et à un moment, en fait, je lui ai donné des cours d'anglais, il voulait pas apprendre ces putains de verbes, je lui ai dit, tu les apprends, en fait, tu n'y arriveras pas, c'est la grammaire, c'est mathématiques, connard. Et il me dit. Ah oui, on est encore sur une. Ouais, il avait peut-être 2-3 raisons de te détester après. Ouais. Et en fait, cet enfant avait vu sur la tour Eiffel et à un moment, ça se met à briller. Et ouais, tu sais, je faisais 1h30 pour aller de Hermont-Bonne à chez lui, là, ça me coûtait 8 balles pour venir chez lui. Je gagnais 8 balles, je repartais, je repayais 8 balles. J'ai pas fort en maths. Et pas de sens, je rentrais chez elle, je me disais qu'est-ce que j'ai foutu. Le lendemain, je retourne chez elle, mec, c'est vrai. Il est en train de me dire, j'arrive pas à prendre mes verres. Je fais, c'est vrai, il y a la tour Eiffel qui brille. Je fais, c'est vrai que ta vie elle est dure, t'as la tour Eiffel, c'est chiant. Et il fait, je crois que je vais te taper. C'est vraiment. Ah, ouais. Ouais. Ah, ça allait très vite. Ouais, et. J'aime bien qu'il ait dit, je crois. Ouais. Je crois que je vais te taper en fait. Je crois que c'est. Et je suis plus jamais retournée. Peut-être que si Simon est encore là, s'inspirer de ça pour son impro de tout à l'heure. Mais parmi tous ces métiers, parce que là, tu dis, oui, les agences, oui, faire les cours à des enfants. Tu as fait un métier qui se rapproche un peu du monde de la télévision quand tu étais jeune. C'était quoi? Sur une chaîne, ah, oui, du câble. Ah ouais. Non. Sachez que j'appelle les gens avant de mettre des trucs, hein, parce que là, je comprends que ça puisse être impressionnant. Tu as, oui, tu as animé une émission sur Fille TV. J'étais Séverine Ferrer. Bah ouais. J'ai fait ça. Ouais. En fait, j'avais vu ce truc. J'allais sur Internet, j'ai eu cette annonce de casting et je sortais du lycée, j'avais le bac. Et j'allais à la fac de lettres aussi, Sorbonne, Paris 4. Et j'ai eu cette annonce, j'ai passé un casting machin pour être animatrice. Et donc c'était cool parce que je pouvais faire des cachets facilement, mais c'était tellement de la merde. Alors, on présentait des séries télé sur une chaîne qui s'appelait Fille TV. Je savais pas que je regretterais autant aujourd'hui. Mais j'ai bien appris, j'ai rencontré des gens incroyables. Et puis j'ai rencontré Matt Pokora. Ah bah alors. Ah. Bah ouais. Entre autres, il y avait pas mal de vedettes, hein, quand même. Ouais. J'ai vu des vidéos, il y a du Angoon, il y a du Willy Denze, il y a du... Non, wow. Non, wow. Non, bah mais, ouais. Mais c'était en 98, qu'est-ce qui... Non, c'est quoi, 2004, 2000, ouais, non. De, 2005. 2005. Ah, oui, d'accord. Ah bah le summum de la musique française, oui. Ouais, 2005. Non, mais le problème, c'est que c'était de cette émission, je vais t'expliquer, c'est qu'on était une bande de nanas et qu'on était mises là et on était toutes très contentes d'être là. On s'est dit, bah, c'est une bonne opportunité de se faire voir. Tout était bon pour exister, tu vois, il y avait pas, moi je connaissais pas, il y avait pas, YouTube était pas hyper développé, machin, et je me sentais tellement loin de pas, il faut que j'existe d'une façon ou d'une autre, et on était toutes hyper brandées, moi parce que j'avais des baguilles et que je rêvais dans ma tête que j'étais dans un clip de R&B, j'étais Sporty Spice de Lidl, tu vois. Ouais. Celle qui était un spermatozoïde au début de sa vie, c'est ça. Ouais. Ouais. C'était au début de l'émission. Ah. Ça, ouais. Ah ouais. On aurait dû regarder finalement. Quand non, même. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu mets beaucoup de précautions, mais on va regarder. C'est peut-être le plus simple. Ouais. Ah. C'était donc sur Fille TV. La rubrique s'appelle Psycholove pour avoir quelques petits conseils. Pareil, c'est du 4K. Hein. Bienvenue dans votre psychologue préféré. T'as des questions, on y répond grâce à notre KYFC, Magali Jablonski. Bienvenue. Merci. Et Laureline qui est là. T'as posé tes questions en www.fitv.com. On commence tout de suite par une première question. Alors, c'est aujourd'hui Gaëlle, 17 ans, de Pontoise, qui nous dit: quand je suis née, mes parents attendaient un garçon. Aujourd'hui encore, il leur arrive de soupirer: ah, si tu avais été un garçon. Oh, je n'ose pas dire à mes parents que je me sens mal aimée. Alors, Camille nous dit: cet été, j'ai revu mon cousin et il était très très mignon. Ah ouais? Nous sommes sortis ensemble et je suis très troublée. Je me pose des questions. Mes parents se séparent et j'ai l'impression qu'ils ne pensent qu'à eux. Mon mec est hyper jaloux. Ma copine a tendance à vouloir contrôler ma vie. Je trouve que nous sommes trop jeune pour nous marier. Je manque de confiance en moi. Je vis sans mon père, je ne le connais pas. Depuis mes 10 ans, je suis diabétique. Depuis que mon frère est mort, personne n'en parle dans la famille. Ma sœur n'est même pas au courant. Elle a du mal à admettre qu'il est jaloux d'un chien. Kawaii au top des tendances. Cette fois, les tendances déco, on s'intéresse aux housses de couette. Mais ce qu'on se rend pas compte, en vrai de vrai, et sans aucune ironie, c'est super dur, et je crois que ce soir on l'a prouvé, j'adore, d'animer une émission aussi longtemps. Tu faisais Attends, ça tous les jours. Il y a eu beaucoup de choses là. De dites. Oui, on peut débriefer peut-être un peu si tu veux. Je te jure, je pleure un peu de joie et un peu je suis touchée par tout Mais ce oui. qu'on a entendu. Tous ces looks en une seule personne. Le, est-ce qu'on débardeur, mais petite putain, écharpe, les stylistes, mini, donné, mini c'est écharpe. C'est, ouais. Oh, c'est, oh, c'est fou. Eh ben oui, j'ai un. ouais. Alors déjà, c'est là qu'on se rend compte que c'est bien de parler des genres aujourd'hui et se dire qu'on peut se tranquilliser. Hein, les tranquilles, les jeunes femmes. Et c'est pas si loin. Hein, on a grandi avec ça. Bah ouais. Putain. Mais non, il y a je pas. Je m'excuse auprès des jeunes filles qui ont regardé ça et qui se sont dit c'est un modèle. Vraiment, je suis désolée. Non, mais à part ça, t'es d'un professionnel. Enfin, tu l'animes pas loin de ce que beaucoup de gens font de manière pro. Enfin, t'as un truc de oui, naturel. C'est vachement bien. J'aurais très dû naturel, sombrer hein. dans la drogue. J'aurais dû. Ouais, c'est quoi ta question? Pourquoi tout ça? Mais non, pas du tout. Non, je disais, non. Comment osez-vous? Mais non, mais on faisait ça très premier degré, mais on était très contents. Je te jure, sans me moquer, Alison, que je suis impressionnée. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas. T'es très jeune. Parce que j'avais des kilos qui me font penser que je sais plus qui j'étais. J'avais 19 c'est peut-être. C'est extrêmement jeune, ouais. 19, 20 ans pour animer une quotidienne à la télévision. Ouais. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on t'applaudisse. Ouais. Bravo. Moi, je faisais ça à la Plaine Saint-Denis le matin, et l'après-midi, j'allais à la fac. Et le soir, je jouais au théâtre dans une pièce de boulevard. Quoi? Ouais. Et pas de drogue du tout. Non. Mais c'est incroyable. Parce que là, le côté créatif du cerveau, il n'y a plus trop de place sur les journées comme ça. Ouais. Est-ce que je peux faire une parenthèse personnelle? Je t'en supplie. Marie-Ève Musy, il y a une copine à moi qui était en face de toi. Vous, comme ça. Oui, parce que c'est les grosses têtes et c'est aussi perdu de vue ici. Non, mais c'est très drôle. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont passés à travers Free TV. Est-ce que vous gardez contact? Vous faites des vacances chaque année? Non, ou un truc comme ça? Mais en fait, on n'était pas hyper. Les dessous de Free TV, enfin tout ressort. On se fréquentait pas. Ah. Mais de cette émission, il y avait aussi Louise Bourgoin. T'as bien sûr. Là-bas. Elle a commencé ici aussi. Ouais. C'est un vivier à la talent, Free TV. Dire, ouais. C'était un peu le pop star. C'est le SNL. On a la télé qu'on mérite. Okay. Mais après ça, Alison, moi, parce que des fois on travaille ensemble sur des projets. Et tu vas remontrer des trucs. Non, c'est fini, c'est bon, c'est terminé. On peut pas parler de la pièce de boulevard une seconde. Ah si, moi j'en suis ravie, je te suis. C'est Free TV le matin, la fac l'après-midi et une pièce de boulevard. Soir, de boulevard, ouais. C'est fou. Matin, Willy Denze, après-midi, Louis Ferdinand Céline, et le soir, des blagues nulles. Oh, bah, mon placard, oh, bah, voilà autre chose. Oh, bah, vous avez une moustache maintenant. Voilà. C'est un peu nous, mais sans les trucs avant. C'est juste... Ouais, nous, c'est que le soir, en fait. Ouais, c'est ça. Non, ce que je voulais... On a beaucoup discuté, et il y a quelque chose qui est très vrai. Et en fait, il y a une espèce de rumeur qui a un peu la peau dure, des fois, de dire c'est important de tout quitter. Et, tu vois, par exemple, Marina, toi, tu faisais des petits boulots à côté. Alison, toi, tu faisais des boulots et tout. Quand est-ce que... pendant cette période de vache maigre dont tu parlais après ton premier film, est-ce que c'est maigre par rapport au film? Non. Est-ce que c'est à partir de là où tu t'es dit qu'il fallait que tu écrives tes trucs? Parce que c'est un truc qui est important dans ta vie d'artiste. Bah oui, sinon je finissais avec un foulard, avec des tresses, des trucs collants. Là, oui, je me suis dit, j'écrivais des choses chez moi, dans mon ordi, j'adore la papeterie, j'adore ça, c'est ma passion. Et j'écrivais plein de trucs chez moi, ça me rendait tellement heureuse. Je me disais ça n'existera jamais parce que j'avais trop la peur bleue de le montrer, de le faire lire. Je sais pas si t'as déjà fait ça. J'étais terrorisée à l'idée que quelqu'un lise et trouve ça chiant, alors que le but même de ce métier, c'est de montrer des choses. Sinon, ça n'existe pas. Et un jour, j'ai croisé le chemin de Fabrice Florent chez Mademoiselle. Il m'a dit, tu sais, si tu fais jamais lire ton travail, tu sauras jamais ce que ça vaut. Et puis, ça restera chez toi, quoi. Et il m'a dit, je t'oblige demain à m'envoyer un truc. Ah. J'ai dit, ok, je vais le faire. Et je l'ai fait, et il m'a dit, mais viens, on fait des vidéos et tout. Et après, j'ai rencontré les gens du Bagel, et c'est comme ça que je me suis dit aussi, il faut que j'écrive et que je sois force de proposition pour faire les rôles que je veux faire. Toi, Marina, est-ce que tu... Parce que, en fait, les gens le savent peut-être moins en France, mais tu as fait beau... Tu n'es pas très connue. Si. On est content de t'avoir quand même. Mais tu parles hyper bien français, en tout cas. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que Adrien, ce serait pas un peu le sniper de cette émission? C'est un petit peu ça. J'ai un peu l'impression. Absolument. Ce serait pas le Baffy de... Non, mais parce que tu as fait beaucoup de sketchs aussi. J'ai fait beaucoup de sketchs. Des sketchs, je veux dire, vidéo, ouais, avec un groupe de personnes. Oui, absolument. On a eu un petit truc à un moment donné. Bah, je crois que la télé française, tout à coup, elle a eu vent du fait que la télé suisse a eu vent de ce que la télé française faisait et l'internet français. Et ils ont dit, nous aussi, on veut un studio bagel ou un golden moustache. Et on a dit, non, on va appeler ça Carac. C'est une pâtisserie suisse. Ah. Et ouais, un Carac. C'est une petite tartelette au chocolat avec un truc vert. C'est très bon. puis on trouvait ça joli. Ça se disait dans les deux sens. Et donc, on a fait des sketchs qu'on écrivait. On était 4-5. Oui, c'était un mot qui se lit dans les deux sens. Ouais, mais j'adore que ça ait joué dans le choix. Mais tu sens un peu les vieux mecs du marketing de la chaîne, tu sais, les quinquas. Mais c'est vachement bien en plus parce que, ouais, pour le logo, ouais, d'accord. On a commencé dans Golden Moustache, hein, donc en termes de. C'était très bizarre, la moustache, c'était un peu hipster. Ouais, c'est ça. Ouais, et le Golden, on sait pas pourquoi. Nous, on n'a jamais compris le titre, hein, donc. On venait, on faisait des sketchs, on n'a jamais compris. Pas grand chose. Ouais. Tout est allé très vite. Un accident de voiture qui va. Et donc nous on a écrit des sketchs, on en a fait beaucoup moins que ce que vous avez pu faire, surtout on était un peu quatre à les faire, les jouer, les écrire, donc à se renouveler moins quoi. Et on a fait une saison et demie ou je sais pas, et c'était très rigolo. Pourquoi ça s'est démantelé? Je crois que moi je me suis barrée, je crois qu'il y en a qui sont morts. Non, je crois que on a juste arrêté au bout d'un moment, mais c'était rigolo de faire des sketchs, c'était chouette. Parce que ma question c'est, est-ce que le groupe t'a apporté, parce que le stand-up on le sait, c'est une discipline. Non, parce que j'étais meilleure que les autres. D'accord, très bien. Il y avait ce truc de non. Non, tu leur as offert beaucoup, c'est voilà, ça. Voilà, j'aurais donné beaucoup. Non, mais vu que le stand-up c'est un art très solitaire, parce que est-ce que le groupe t'a apporté quelque chose ou... En fait, nous, on a peut-être fait une erreur, c'est que contrairement à Golden ou à Studio, je sais pas exactement quelle était votre organisation, mais en fait, nous, on avait tendance à chacun écrire seul un sketch et les autres venaient jouer dedans, mais c'était pas très collaboratif. Tu vois, chaque sketch était signé assez nettement de quelqu'un. C'était votre. Si, c'est ça aussi. C'était ça, mais il y avait des réunions d'auteurs quand voilà. Même avec. Les gens proposaient quand même des fois pour remonter le truc. Alors nous, pas beaucoup. Donc en fait, là-dessus, ça n'a pas été extrêmement collaboratif. Et moi, seulement maintenant, dans ma carrière, je me retrouve à un endroit où je me dis, c'est quand même très seul de tous les soirs finir ton spectacle. Parce qu'en fait, là, en ce moment, je partage le théâtre avec une pièce de théâtre. Quand la pièce finit, c'est moi qui vais sur scène, donc je les vois finir. Donc tous les soirs, je vois 8 comédiens jeunes, beaux, qui se déshabillent, qui rient, qui vont boire des bières et tout. Et 2 heures plus tard, moi, je finis mon spectacle et je suis là devant ma glace comme le Joker. C'était encore une belle soirée, Marina. Et c'est hyper triste. Donc là, je commence à sentir un peu le truc de j'aimerais bien écrire avec des gens, mais c'est très compliqué de faire ce truc collaboratif. On en parlait avec Alison tout à l'heure en loge. Ah bah oui, plutôt que d'en parler pendant l'émission. On a abordé tous les sujets. Et mais vas-y, avant, hein, non, mais c'est, en fait, c'est très compliqué. Je sais pas, peut-être vous pouvez m'aider, mais c'est... Non. Peut-être pas, peut-être pas là, mais... Non, mais de réunir la question de... Il faut s'apprécier humainement, il faut avoir des choses à s'apporter... Déjà, pas forcément. Non, hein, déjà, ouais. Non, compte pas sur nous, déjà. C'est vrai. Il faut s'apporter un truc créativement, et en plus, il faut avoir une espèce de langue commune. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'essayer d'écrire avec des gens que je trouvais très intelligents et créativement cool, et juste, on ne se comprenait pas. Et si tu es un mur, en fait, et tu te dis, bah, va faire ton truc très bien de ton côté, je vais essayer de faire mon truc du mien, parce que ça marche pas. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien passer à la suite. Mais là, je l'ai fait un tout petit peu, où j'ai réalisé un truc pour la première fois, j'ai réalisé mon cours pour la première fois, et c'était pas collaboratif sur l'écriture, mais la démarche était collaborative. C'est tellement bien, bordel! J'ai envie de faire ça tout le temps! Ouais, le stand-up, c'est un peu tristoun à côté. Alison, quand toi, après, derrière, tu as fait, après Studio Bagel, où tu as fait beaucoup de sketchs, tu as fait un peu de Canal+, tu as fait France Inter. Oui, oui. C'est un exercice qui est complètement différent et surtout, j'ai l'impression qu'il demande énormément, énormément de temps, pour le coup, à accorder, puisque toi, tu faisais toutes les semaines, Nagui, par exemple. Ouais, une fois par semaine et la météo tous les soirs. Tous les soirs. Ouais. Comment on aborde le travail comme ça, de se dire, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ce soir, il y ait un sketch. Et est-ce que c'est un peu frustrant? Est-ce que moi, par exemple, c'est le truc où je me sens pas du tout de le faire, ce truc-là, tellement ça me paraît une machine, tu vois, incroyable. Ouais, c'est une grosse machine, mais c'est hyper. Moi, je marche vachement à la contrainte. J'adore qu'on me mette un challenge. Je suis hyper compétitrice, donc si tu me dis ce soir tu ponds un truc, j'adore ça. Et ouais, la météo, c'était ça. T'as un invité. Qu'est-ce qui se passe? On est là, les gars. Si t'as un exercice, un invité, une actu, j'adore écrire avec ça. Ça me donne un cadre. Et après, j'essaie de trouver ma liberté là-dedans. Quand j'ai carte blanche, je suis complètement flippée, en revanche. Marina, toi, tu fais aussi France Inter? Oui, moi, je les écris une heure avant. Vraiment. Ah ouais? Non, là, ça devient vraiment... Mais parce que je crois que... Bah, en fait, c'est la même question de la contrainte. C'est-à-dire que... déjà, moi, ça va faire genre 6-7 ans que je fais de la radio. Donc, j'ai l'impression que... J'ai déjà dit plein de choses. J'ai vraiment donné mon avis sur beaucoup de... Et je commence à plus avoir grand-chose à raconter. Et puis, en plus, je me pose vachement la question du sens de tout ça, du bruit médiatique, est-ce qu'il faut vraiment rajouter et tout. Donc, si j'ai du temps pour réfléchir, je vais partir dans une espèce de vortex un peu trop existentiel. Et tu vois, je vais vouloir tout traiter, tout régler, mais en même temps rien. Donc, plus je l'ai fait à l'arrache, plus il y a juste ce truc de... En fait, dans une heure, on est à l'antenne. Donc, il va falloir donner cet avis sur cette nouvelle réglementation sur les pigeons, tu vois. Et donc, il faut le faire un peu vite. Mais moi, je sais pas toi, moi je ressens, enfin je sais pas vous en général, hein, je ressens un épuisement de, en fait, de faire longtemps le même format. C'est pas un épuisement créatif de manière générale, mais de répéter le truc, la contrainte du format. Moi, en ce moment, je suis vraiment dans un truc où j'aimerais bien changer de médium. C'est-à-dire le 3 minutes chronique, au bout d'un moment, tu as fait le tour parce que tu resteras, même si tu crées de nouvelles choses tout le temps, tu restes une sensibilité, une vision du monde, un truc. Et donc si tu le fais toujours avec à peu près les mêmes outils, j'ai l'impression que tu répètes un peu le même truc. Tout. Peut-être falloir ouvrir le food truck. Tout bas. Non, mais tu sais, faire une comédie musicale, autre chose, quoi. Tu vois, de changer de format. Ah oui. Une comédie musicale, c'est un peu le rêve. Hein. Ouais, tout le monde rêve de faire une comédie musicale. Nous, on met quand même beaucoup de chansons dans ces spectacles. Et vraiment, tu sens que ça nous titille un petit peu. Vous aimeriez faire une comédie musicale, un spectacle live ou un film? Ah non, moi, un spectacle live, ça me plairait bien. Ouais. Moi, ça me plairait beaucoup. Ça commence. Ça va, normalement, la saison. Normalement, la saison prochaine, il y a The Producers qui est adapté à Paris. Et je pense qu'on va prendre le tournant gentiment de la comédie musicale en France qui ne serait plus que genre Mozart, l'opéra vampire, enfin des trucs genre horribles avec des lustres et des hyper sérieux comme ça. Après, cela dit, s'il relance Notre-Dame, il y a Hakim qui est chaud. Donc, voilà. Il est à fond et il est toujours dispo. Mais c'est marrant parce que quand tu parles de ce truc de format, plutôt je parlais de Alison qui n'a pas commencé en voulant faire des blagues. Et je partage ceci avec Alison Wheeler, c'est que moi, quand j'ai fait mon premier court-métrage, quand j'étais adolescent, j'avais pas du tout envie de faire des blagues. Au contraire, j'avais envie de faire des films d'horreur. Des films d'horreur et des films qui font pleurer en même temps. Qui sont deux genres qui sont difficiles à faire cohabiter. Émotions, ouais, c'est très difficile. Et ajouter à cela que du coup, ce premier court-métrage que j'ai fait, que j'avais déjà fait écouter un extrait dans Floodcast, ça s'appelait Bar Tabac. Un titre de Bourgogne, hein, clairement, hein, on va pas se mentir. Bar Tabac, et l'histoire était celle d'un serial killer qui tuait des gens. Voilà, bon, bref, pas très. Pas ultra original. Mais normal pour un serial killer. Pour un serial killer, ouais. À partir du moment où tu dis, bah en fait, je suis serial killer, on fait, ah bah, tue des gens, aucun problème. Ouais. Et donc, du coup, à côté de ça, y avait un twist à la fin, que je vous spoil, pardon. À la fin, en fait, le tueur, c'était une meuf. Qui tuait les gens qui l'empêchaient d'être heureuse. Waouh! C'est le clip de Prodigy, ça! Et qui est un plagiat du film Haute Tension, si vous l'avez vu. Un plagiat éhonté de ce film. De quel film? Hein? De quel film? Un film qui s'appelle Haute Tension d'Alexandre Aja avec Mai Wen et Cécile de France, les Geekos. Il est là? Merci! Et donc, du coup, à côté de ça, ce film, en fait, le but de ce film était d'avouer mes sentiments amoureux pour une meuf. Alors qu'il y avait Skyblog, il y avait d'autres options. Quoi. Si aujourd'hui je lui dirais, tu sais que je connais la meuf de Fille TV. Et pour bien que ce soit bien nul et bien humiliant, elle joue le personnage principal du film. Oui. Tu l'as casté? On sent le. Ouais. On le sent. Ah, mais donc ça aurait pu être. C'était presque un Me Too avant l'heure, quoi. Non. Tu lui as proposé. Allez, filles, levez-vous, on se casse. Moi, je ne joue pas dans le film. Le faites pas, vraiment. Non, mais tu es producteur, auteur, réalisateur. Voilà, et j'ai proposé, elle m'aurait dit non, je l'aurais. Voilà, tu vois, mais bon, ça voulait dire. J'avais 15 ans et demi, d'accord? Mais bien sûr. Ouais. Je vous montre l'extrait. Ah oui. Vous allez voir. Vous voyez le film The Room de Tommy Wiseau? Oui. Bon, ouais, c'est pire. C'est pire. Oui, mais t'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Ouais, j'ai rajouté. Ça, j'ai rajouté. Oui, en noir et blanc parce que je savais pas gérer la lumière. Vini. Il y a des petits effets de caméra, hein, je vous dis. Donc là, voilà, on découvre que le tueur, c'est tous les photos des victimes depuis le début. Et la prochaine victime va être l'héroïne du film. Voilà. Qui est une photo de Facebook de l'époque. Et donc là, elle est avec sa copine, parce qu'en fait, c'était deux meufs, les héroïnes. Okay. Attention, la tension apparaît. Moi, je pisse dans mon froc. Je suis bien. Ouais, la lumière est pas folle, hein. Et attention, là, ça part bientôt en Xavier Dolan. Soyez prêts. Vous allez peut-être chialer. Petit travelling avant. Wow. Je vais devoir te tuer, Laurie. Quoi? Je ne peux plus vivre avec toi. Fallait trouver une solution. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Aurélie, t'es ma meilleure amie, comme ma sœur. C'est bien ça le problème. Je t'aime plus qu'une sœur, plus qu'une amie. Aïe, aïe, aïe. Ah, le coup de l'acide, putain ! C'est la vraie musique que j'ai mis à l'époque. Et là, attention, elle a tué l'amour de sa vie. Et du coup, elle meurt aussi. Et attention, effet de montage. Comme ça. Mais c'est magnifique. Genre, enfin, elle est là, la genèse du Joker. Mais c'est. C'est ça. Mais c'est. Mais à part ça, c'est génial. Non, mais oui. C'est juste qu'il faut faire des trucs. T'avais 15 ans. C'est génial. Oui. T'étais amoureux de Laurie ou de Eva ? De Laurie. D'accord. Donc, on salue Laurie Martin. On l'embrasse. Elle sait que c'est diffusé ? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est oui, ça a été fait. Les mensonges qu'il irait avec son agent. Mais par contre, justement. Le alors, c'est mensonge. Oui, c'est. Oui. Non, je vous le jure, je te le jure sur ma vie. Je lui ai vraiment dit. Mais justement, l'anecdote est assez marrante parce que du coup, je ne lui ai pas parlé depuis 10 ans. Donc il a fallu que j'envoie un texto. Salut Mais elle okay. T'a vendu la peluche de Crazy Frog, donc du coup. Coup de bol. Non, mais ouais, donc du coup, c'était très bien parce que ça avait vraiment, tu sais, ce vieux mec seul qui essaie de reprendre contact avec la meuf du. Salut, bah, depuis le temps, comment ça va ? Bon, bref, voilà. Donc... Mais elle avait compris que c'était parce que t'étais amoureux d'elle que. Bien sûr que non ! Et puis j'ai donné aucun indice ! Bien sûr que non ! Bien sûr que non ! Et maintenant elle le sait ! Bah, maintenant elle le sait ! Mais c'est pour ça que ce texto était étrange, j'ai fait. Mais ouais, voilà, écoutez. Mais elle t'a répondu quoi ? On s'en fout. Je t'ai dit non, Florent ! Elle t'a dit, moi aussi, j'avais des seins de chemin. Tu veux que je te dise ce qu'elle m'a dit ? Oui. Elle a fait, ah, c'est marrant. The friendzone, dire. Ouais. Bah, le film parle de ça, hein, c'est plus ou moins ça. Hein. Ouais. Mais ouais, c'était il y a très longtemps. C'était mon premier court-métrage. Voilà. Et déjà, à la fin, la petite musique triste pour faire genre, faut pleurer. Puisque c'était Everytime de Britney Spears, un classique. Que vous avez diffusé sur FiTV, d'ailleurs. Everytime. Forcément. En boucle. En forcément. Boucle. Mais il faut juste que je comprenne. Elle la tue parce qu'elle l'aime trop. En fait, ouais, faut avoir vu tout le film. Je comprends que là, ce soit un peu en dehors du contexte. Non, mais je te montre la fin de Tree of Life, tu comprends pas. Oui. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, tout le long, j'ai pas compris. Mais elle tue les gens qui l'empêchent d'être heureuse. Et vu qu'elle elle tue cette personne parce qu'elle lui dit, bah non, nous on est amis. Mais sauf qu'en la tuant, elle meurt aussi puisque c'est l'amour de sa vie. Ah ouais, non, mais. C'est pas all inclusive, hein. Mais tout le monde fait semblant de comprendre, mais moi je. C'est pas grave. Non, mais c'est une métaphore. Enfin, tu vois. On t'enverra le lien et tu pourras le mettre tranquille à la maison. Faudrait qu'on en discute. Parce que ça dure 2h30 cette merde, hein, normalement. Ouais, voilà. Non, moi, j'ai juste vrai, mis non. La fin. Non, c'est pas vrai. Comment enchaîner ? Oui, Alison Wheeler. Vous-même, vous avez déjà craché du sang ? Comment ? Quand vous étiez vous trop amoureuse. Quand... Moi, je voulais savoir quand t'as fait, quand tu faisais le petit journal, pardon, quand tu faisais quotidien ou même la météo. Est-ce qu'il y a un invité qui t'a parfaitement impressionné parmi tous ceux que tu as rencontrés ? Est-ce que t'as rencontré même des idoles en fait ? C'est un truc moi qui me terrifierait d'être dans l'actu. C'est un jour on dit bah vas-y, fais ta chronique en face Alain Chabat, je t'en supplie. Ouais, ça me mettrait très mal à l'aise moi. C'est très dur de jouer ou de faire quoi que ce soit devant d'autres humoristes parce qu'ils connaissent les ficelles et t'as peur d'être jugé. Et il y en a qui sont hyper bons clients, il y en a qui sont moins parce que des fois ils sont timides. Pas forcément parce que c'est des connards, des fois c'est des connards. Oui, voilà. Des fois ils sont à côté de toi, ils voient le prompteur, ils voient la vanne arriver, ils rigolent 2 secondes avant, du coup au moment de la vanne ils se sont rien à foutre. Ça c'est désarmant et tu dis oh, il me juge, il me trouve nul et moi je l'adore, j'ai été le voir en spectacle. Mais non, mais il y a des gens super bons camarades, c'est jamais ce qu'on croit. Les comédiens sont pas super bons camarades, il y en a qui le sont. Je te demande aucun nom, hein, je te sens stressée. Non, j'étais en train de réfléchir à ceux devant qui c'était super. Enfin, Madonna, c'était un truc. C'est de ça, c'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui a dansé Vogue devant Madonna. Ouais, elle m'a fait un bisou sur la joue. Oh, t'es bon. Ça Mais Niel se barre, t'as directement. Tiens. Non, en plus, elle devait même pas être là pendant la chronique et finalement, elle était là et c'était super. J'y vais devant Bill Gates, c'était ouf. Donc j'avais traduit toute ma chronique pour le mec dans l'oreillette qu'il fasse 2-3 vannes pour qu'il rigole à des moments en décalé pour qu'on ait l'impression qu'il comprenne ce que je disais. Il avait beaucoup aimé, c'était vraiment des super moments. Ouais, les Shabbat, j'ai eu à France Inter. Ah, t'as fait Shabbat? Ouais, ah, sur France Inter, c'était génial aussi. T'as eu des gens comme ça, des gens que t'aimes beaucoup? Moi, j'ai fait rigoler Ania Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Ça, j'étais assez contente. Ah bah, ça, j'étais assez contente. Moi, j'ai fait rire Elie Semoun, donc si tu veux, c'est pas... Ah, voilà. C'est cool de faire rire Elie Semoun. Bah oui, carrément. Alex Lutz, hyper bon camarade. Je crois qu'il comprend la fragilité de l'exercice et du truc. Et on parlait des gros connards en loge aussi avec Alison, mais du coup, on va pas les citer. Qu'il y a de... Mais je pense que Shabbat... Ça veut du sang, là, dans le public, vraiment, c'est genre... Oh, allez, un nom, ouais. Un nom. Non, non, non. Un. Non. Mais vous avez vu comme vous êtes? C'est la culture du buzz ou quoi? Ouais, des fois, je balance un peu. Après, un, c'est pas énorme. Ah, mais non. Mais Shabbat, par exemple, il est hyper gentil. C'est trop sympa. Mais c'est déjà bien. C'est déjà on est déçus et on est content de savoir qu'il est. Ah ouais, ouais, vraiment. Non, mais je crois que lui, c'est une des personnes que j'ai rencontrées de très connue à ce point-là qui a l'air le plus heureux. Alors, en même temps, je pense que c'était un des mecs le plus connu de France à 35 ans, qu'il a fait de la thune, qu'il a l'air pas trop malheureux en famille. Enfin, je crois que tout est assez aligné pour que ça aille bien. Mais lui, il a l'air bien. Mais non, mais ce qui est horrible, c'est les gens qui ont des bonnes carrières et qui ont l'air tellement malheureux, quoi. Il y en a. T'as pas l'impression qu'on en voit tout le temps? Ah si. On est là, hein, c'est bon. Ouais. Non, mais au moins, ils ont une bonne carrière, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais où tu... Bah ouais. Non, mais où tu te dis, est-ce que t'es condamné à être malheureux dans ces métiers-là? Dans la mesure où il y a une espèce d'ambition, il y a un truc un peu vain et tout, en fait, à passer 50, 60 ans, est-ce que t'es condamné à continuer à courir après cette merde et donc à pas avoir la sagesse d'être bien? Moi, j'ai envie de croire qu'on peut être heureux. Et j'ai envie même qu'on termine cette émission là-dessus. Ah, c'est beau. On a le droit au bonheur. Ah, c'est beau. Et je vous embrasse très fort, tous autant que vous êtes. Merci beaucoup en tout cas, Alison et Marina. Merci. Merci. Merci, on entend. Merci à vous tous d'être venus. Merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast. Au revoir. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Michel Sardou. Ah, bonsoir. Android Sardou. Je suis Cyber Sardou. Ah, ok. Et aussi, c'est parce que j'ai oublié ma veste chez moi. Du coup, on fait avec ce qu'on a sous la main. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on voulait vous dire au revoir en chanson, parce que c'est devenu maintenant une tradition, c'est le deuxième podcast, mais c'est une tradition. Une petite chanson que nous avons écrite et composée nous-mêmes. C'est faux, on a volé la compo. Maestro. Je prends tous les jours en photo pour poster ça sur les réseaux, c'est vrai. Les jeunes bloqués sur leur texto, à chasser des Pokémon Go, c'est vrai. Il roule sur la nationale à 80, c'est lamentable. Navré, elle ne connaît plus le papier, juste les écrans et les claviers. Cette société, je la hais. Les magazines nous propagandent, c'est des vrais slogans bon goût de la viande. Je les hais. Ces rasta avec leur bédo, mieux que des bolasses trouvent un boulot. Je les hais. Ces rappeurs avec leur musique qui fait boum tchac tchac tchac tchac chic. Je les hais. Je les hais. Je la hais. Je la hais. Cette génération, cette époque, je préfère encore les Amerlocs. Moi, je ne suis pas un gilet jaune, bleu, blanc, rouge et mon hexagone. Ils me disent tous, ok, boomer, c'est même pas dans le dictionnaire. Maintenant que je n'ai plus d'érection, parfois je suis dans mon pantalon. Plus le droit de fumer dans les restos, il devient fade mon rôti de veau. Oh oui, je les hais. Et cette écriture inclusive, ah, qui mène ma France à la dérive, je la prends médiocre. McFly et Carlito, je les hais. La livebox et ses ondes wifi, je suis sûr que ça donne des maladies. Ah, c'est sûr. Ah, je l'ai. Mes petits enfants qui viennent plus me voir, sauf aux étrennes comme par hasard. Ah, tiens, je les hais. Ah. Les WC qui sont bien trop bas, je peux plus me relever quand je fais caca. Bah, c'est trop bas, bah oui. Eh ben, je les hais. Je les hais. Je la hais, je la hais. Cette génération, cette époque, préfère encore les Amerlocs. C'est dire, moi je ne suis pas un gilet jaune, bleu, blanc, rouge et mon hexagone. Ils me disent tous, ok, boomer, n'importe quoi. C'est même pas dans le dictionnaire. Maintenant que je n'ai plus d'érection, parfois je suis dans mon pantalon. De la merde. Ouais. Dans son stand-up Coca-Cola ou sur Canal, moi je clique pas. Hakim Djemili. Pareil que son nom, c'est Patrick Beau. Moi je préfère Patrick Bosso. Patrick Beau. Super héros, encore une fois je préfère Patrick Rosso. Simon Esquiel. Sur sa radio, Bobo Gauchias. Une femme drôle, j'y crois pas des masses. Marie Barolman. Chez Quotidien, quelle plaisanterie. Je la confonds avec Nora Hamzaoui. Alison Wheeler. Je la hais. Je la hais. Je la hais. Je la hais. Je la hais. Oh, je la hais. Cette solitude sur scène, je la hais. Je la hais. Moi je ne suis pas un gilet jaune, bleu, blanc, rouge et mon hexagone. Ils me disent tous ok boomer, j'ai même pas dans le dictionnaire. Ils agents des plus d'érection, parfois je suis dans mon pantalon. Je suis dans mon pantalon. Vous souvenir, je suis dans mon pantalon, je la hais, je la hais.